Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Myriam Fugère nous présente notre nouvelle chroniqueuse, Jasmine Raymond-Dréville. Et justement, Jasmine nous parle de langue. De langue? De langue. Sortez le jello, deux filles avec des langues. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFOI Trois-Rivières en ce mercredi 16 novembre 2011. Moi, ça m'adonne Ça m'adonne à être Mathieu Plante. Ça t'adonne bien ce matin. Pas pire quand même, hein? Ça pourrait être pire. C'est un talent que j'ai comme ça. À tous les jours, je suis Mathieu Plante. Ouais, des fois, tu pourrais faire exception. Ah, j'avoue, hein? Des fois, tu pourrais te trouver un sosie ou... tu pourrais te... Je sais pas, ça pourrait être ton arme spirituelle. Je sais pas. Ok, je voyais vraiment pas du tout tu voulais t'entendre non, aller avec ça. Donc, prête un petit chat. Ah, un petit chat? Un petit chat. Ah, ben oui, ben un petit oui. Un chat qui ronronne et qui fait pas grand-chose d'autre. Ouais, c'est à peu près ça que ça fait. Hein. Ouais. C'est besoin, ça mange. Ouais. C'est assez limité. Ouais, mais j'aime ça. Bon. Ah ouais. Toi, c'est François-Olivier Marchand. Hein? Exact, merci. Aujourd'hui, à l'émission, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu dans l'émission où j'utilisais le mot chargé pour décrire l'émission. Ouais. Chargé. Ouais. Ça s'applique pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est booké 100%. 100% booké. Mais je sais que Jasmine, tout à l'heure, va me dire que booké n'est pas un mot en français. Ouais, peut-être que c'est dans le mais on l'attend avec une brique et un fanal. Ça se dit. Elle, ça va être à 8h45 en fin d'émission. Donc, nouvelle chronique sur la langue française, chronique linguistique. Oui, exactement. Elle va nous apprendre à mieux accorder nos verbes. Mm-hmm. Et à les mieux s'accorder. Avec les raies, les affaires de même. Et c'est avec les raies, c'est légal, hein? C'est légal? Ouais. C'est nouveau? Ouais. Ils s'entendent mieux qu'avant? Il y a eu un traité. Ils se sont réconciliés. Voilà. Avant ça, à 8h, on retrouve Myriam Fugère qui, elle, va nous présenter Jasmine. Parce que les deux se connaissent depuis très longtemps. Ouais. Ils sont allés à l'école. Ouais. Et puis, les deux, je pense qu'ils s'en vont en appartement ensemble. Oh! Deux de nos chroniqueuses ensemble, Colin, mais on a créé un monstre! Ça ira pas bien pour nous autres, ça. Ils vont se mettre ensemble et ils vont pouvoir avoir deux fois plus de blagues contre nous autres. Ils vont être méchants! Ils vont être méchants. Je sais. Les méchantes filles. Parce que tu sais, toi, t'es toujours après les filles de l'émission en train de les harceler. Je suis pas méchant. T'es déplaisant. Ouais, mais déplaisant, agréable. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes. Je sais pas, moi, j'ai pas été visé par ces commentaires désobligeants non, envers... Et puis, j'ai été très fin cette semaine avec Stéphanie Gagne. Stéphanie, à part à la fin où tu l'as quasiment... À part à la fin. Ben non, ouais. Ouais, c'était amical, là. Ah. Y a rien de... Là, aussitôt que tu peux faire n'importe quoi de méchant, autant que tu dises à la fin que c'est une blague. Je lui ai dit. Ouais. Bon. Fait que c'est correct. C'est correct. Bon. Donc, aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, la chronique Geek CNX, c'est la chronique C'est un fait. Dans C'est un fait, on va parler, entre autres, d'un petit un genre de poisson qui peut te tuer en dedans de 20 minutes. Mais tout petit. Okay. C'est tout petit, on en parle tantôt. Et dans CNX, j'ai oublié de vous dire, on va vous parler de la tarification en fonction de la vitesse. Les fournisseurs Internet vont pouvoir commencer à... en tout cas, on va en parler plus en détail tantôt. Là. On va commencer à quoi? Avec leur... comment t'appelles ça? Leur... pas des sous-compagnies, mais des compagnies qui prennent les services de, mettons, Bell. Des sous-traitants? Pas des sous-traitants. C'est comme les grands fournisseurs d'accès Internet vont pouvoir faire payer les petits fournisseurs indépendants attachés à leur réseau en fonction de la vitesse de téléchargement utilisée par leurs clients résidentiels. On va parler tantôt. Bon. OK, ouais. D'accord. Okay. C'est dans la chronique CNX, c'est ce qui s'en vient le plus tôt dans l'émission. Mais on commence avec Ringo Dead Star. Voici leur pièce So High au 89 FM. Vous êtes à Assemblage Rocky jusqu'à 9h. Hier, je limitais une batterie, t'aimais pas ça? J'essaie encore. Shanghai de Galaxy sur l'album Tigre et Diesel. Un autre extrait qu'on adore, c'est fou, vétéran du palmarès. Même que je pense que c'est encore là, Shanghai. Oh. Ouais, je pense que oui. Crois bien. Ouais, on va épuiser cet album-là jusqu'à la fin, c'est certain. Hey, puis Mathieu Plante, j'ai un petit commentaire pour toi. C'est peur. Pas juste moi qui fais monter The Horrible Crows. Les Horrible Crows, le groupe de musique. Je t'entends quand tu fais ton émission, oui. Je t'entends, puis tu mets ça sur ma faute. J'ai dit c'est de la faute à François-Olivier si le Horrible Crows est rendu numéro 1. Est-ce que c'est encore le numéro 1? Tu l'as pas donné? Il a volé le punch de jeudi. Non, c'est du 7 au 13. Ah, phew! Non, c'est du 7 au 13. Hey, tu m'as fait peur, là. Mon gros punch, là, à la fin de cette émission-là est tellement important. C'est une bonne émission, par exemple, pour vrai. Merci. C'est très bien. Avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi-même. Mais en fait, c'est parce que. C'est pourquoi j'aime ça. La musique est bonne. Ben, ouais, c'est ça. C'est pas à cause de toi. Ben, je m'imagine. Non, mais c'est toutes des pièces, d'ailleurs, qu'on fait jouer ici. Ben oui. Donc, si vous aimez la musique, on joue à l'Assemblage Reiki, là. Synthétiser les palmarès. C'est sûr que c'est un peu plate parce que c'est Mathieu Plante. Mais je parle pas souvent, la musique. Non, c'est ça, tu parles pas souvent. Je fais souvent des blocs de 4. Oui, et puis en même temps, vous avez des extraits d'Assemblage Reiki. Ah, c'est vrai, nos meilleurs moments, toi et moi, là, en train de dire des niaiseries, comme mettons, on pourrait se faire. Hey, on n'a jamais stagé un de nos meilleurs moments. Non. On n'a jamais fait comme un sketch, genre, improvisé, comme pour être drôle. OK. On pourrait repartir en musique puis essayer de faire le quoi de bizarre. OK, d'ici la fin de l'émission, on fait quelque chose de bizarre. T'entends-tu? OK. Ouais. OK. Mais pour l'instant, on fait Cynix, OK? OK. Pauvre toi. Okay. La chronique Cynix, c'est évidemment la chronique la plus geek de la radio. Donc, François, on va avoir plein de sujets là, des plus bizarres à mentionner, là, des nouvelles importantes dans le monde des technologies, informatique et jeux vidéo. Commençons par cette chose très importante, l'article de la presse qu'on va se lire ensemble. Bell et les autres grands fournisseurs d'accès Internet pourront maintenant faire payer les petits fournisseurs indépendants rattachés à leur réseau en fonction de la vitesse de téléchargement utilisée par leurs clients résidentiels. Les petits fournisseurs indépendants qui desservent 6% des internautes au pays, c'est quand même pas mal, pensent que leur facture montera en flèche avec des nouveaux tarifs imposés mardi par le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les tarifs sont exorbitants et me font sauter en bas de ma chaise, dit le PDG de Electronic Box, qui a des milliers d'abonnés au Québec. Il y aura des hausses importantes de prix. Il faudra payer jusqu'à 20 $ de plus chaque mois pour l'accès au réseau des gros utilisateurs de Netflix, par exemple. C'est ceux qui utilisent les visionnements en ligne, le streaming. Évidemment. Donc, ça, c'est Joseph Bassili, le PDG de Colbanet, qui offre l'accès à Internet à environ 10 000 clients au Québec, qui a dit ça, le 20 $. Le CRTC n'a pas voulu s'avancer sur l'impact de sa décision sur les prix des petits fournisseurs indépendants, traditionnellement moins chers. À titre d'exemple, un accès Internet d'environ 8 mégasecondes avec une limite de 50 à 60 gigs de bande passante coûte environ 45 $ chez Bell et Vidéotron, mais 31 $ chez Electronic Box et 38 $ chez Distributel. Ça, c'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Depuis 2000, les câbles distributeurs comme Vidéotron et Rogers avaient le droit de faire payer les fournisseurs indépendants selon leur utilisation. Bell, qui n'avait pas ce droit, l'a obtenu du CRTC l'an dernier. Une décision fortement décriée par le gouvernement Harper qui s'opposait au principe de facturation selon le volume d'utilisation qui aurait limité en pratique la capacité de bande passante des clients. Dans une nouvelle décision rendue hier, le CRTC a choisi de donner le choix aux grands fournisseurs d'accès Internet comme Bell et Vidéotron de demander un tarif fixe par utilisateur ou un tarif variant selon la vitesse de téléchargement. Les petits fournisseurs devront donc déterminer à l'avance leur quantité de bande passante selon les besoins de leurs clients. Donc, comme principe, et je cite, « il faut faire payer les indépendants pour ce qu'ils consomment », dit le chef des affaires réglementaires de Bell. Ce sont les grands conglomérats propriétaires des réseaux qui choisiront quel type de tarif fixe ou variable selon la vitesse à faire payer. Ils vont évidemment choisir celui qui va leur apporter le plus d'argent. Ah oui, c'est sûr. Ils vont faire des tests au pire. Si c'est pas un, ça va être l'autre parce que c'est bon. En tout cas, donc, nouvelle pas super intéressante pour les 6% de personnes qui n'ont pas les gros derrière eux. Ouais. Comme fournisseur Internet. Parlons de Windows Update sur Windows 8 qui va être moins intrusif. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle de la part de Microsoft. Intrusif, tu veux dire? Les redémarrages vont être beaucoup moins fréquents pour les mises à jour. Donc, Microsoft a annoncé que le processus de mise à jour de Windows 8 ou Windows Update va être moins invasif. Actuellement, l'éditeur de Redmond, ça c'est Microsoft, juge la situation sur le processus de mise à jour comme étant bonne. Une semaine après la disponibilité des mises à jour, 90% des utilisateurs les avaient téléchargés et installés. On flirte avec les 100% au bout de 2 semaines. Donc, quand même, quand même. Mmh. Il faut dire que 90% des utilisateurs ont mis le réglage installé automatiquement les mises à jour. On s'entend que quand tu achètes un ordinateur, peut-être que le commerce qui te le vend, peut-être qu'ils vont cliquer sur installer les mises à jour automatiquement parce que de toute façon, c'est votre copie de Windows est légale. Vous pouvez les recevoir, les faire, les installer. Vous n'aurez pas de problème. Alors que si vous avez une copie piratée de Windows, chez Monium, si vous faites installer automatiquement, ben, vous allez perdre votre fond d'écran puis avoir un beau petit truc dans le coin qui vous dit votre copie n'est pas légale. Mais bon, donc Microsoft a donc réfléchi à la question de comment installer rapidement des mises à jour sans qu'elles soient pour autant intrusives. Parce que vous le savez, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, il faut tout le temps redémarrer. C'est vraiment super gossant. Dans un premier temps, là c'est une citation de leur petit texte qu'ils ont envoyé, Microsoft. Dans un premier temps, tous les redémarrages nécessaires ne seront effectués qu'une seule fois par mois. Toutes celles qui sont non critiques patienteront ainsi jusqu'à l'installation des mises à jour importantes. En revanche, si un correctif de sécurité urgent faisait son apparition, il serait déployé sur le champ. Ensuite, lorsqu'un redémarrage est sur le point de s'effectuer, Windows va afficher dans l'écran de connexion un message. Passé les 3 jours de délai, un autre message va faire son apparition, informant de l'installation au bout de 15 minutes. Parce que là, vous le savez, quand vous avez une mise à jour de certains logiciels, ils vont vous dire « Voulez-vous redémarrer maintenant ou dans 30 minutes, dans une heure? » Ouais, plus tard, c'est ça. Puis à un moment donné, tu fais plus tard, tu fais jamais, et quand tu te donnes à redémarrer, ça prend comme une heure parce qu'il faut qu'il installe toutes tes mises à jour. Puis après ça, il va faire « Ah, oh, ben là, je pense que je vais pouvoir redémarrer. » Ouais. Troisièmement, Windows Update. Ah, oh, pardon, je l'avais pas fait. Il manquait une phrase ici. Il n'y aura aucun redémarrage si une application est active avec des données non sauvegardées. Donc, si vous avez cool, Word ça. Ouvert, tu sais, des fois, ça arrivait, là, à un moment donné, ton plus tard, il venait dans 15 minutes, puis là, il se faisait tout seul éventuellement, puis là, tu perdais ton Word. T'sais. Ouais, c'est ça. T'avais pas pensé de le laisser. Pas super, ça. Troisièmement, Windows Update va détecter si l'utilisateur est en pleine activité. Comme disons qu'il est en train de jouer à Call of Duty Modern Warfare 3. Mais là, tu fais pas de mise à jour pendant ce temps-là. Non. Il va prendre la décision de l'informer à un meilleur moment. Dans un quatrième temps, un administrateur réseau va pouvoir décider de bloquer le redémarrage automatique. Finalement, le message qui apparaîtra sur l'écran de connexion ne sera pas le même pour tout le monde. Ceux qui auront choisi de télécharger et installer automatiquement les mises à jour se verront notifier le redémarrage, tandis que ceux qui ont choisi uniquement de télécharger ou d'installer les mises à jour verront un message leur indiquant la disponibilité des correctifs. Donc, en somme toute, de très bonnes nouvelles pour Windows 8. Prochain beau petit Windows avec les belles petites tuiles que tout le monde aime puis que moi je trouve vraiment dégueulasse. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu rapidement. Je trouvais ça pas super. Mais est-ce que le tactile, c'était tactile? Ben, c'est fait pour être aussi tactile que souris. Okay. C'est comme une interface pour tout faire. Okay. Parlons de Facebook maintenant. Multiplication de messages pornos ou violents. Le site communautaire sur Internet Facebook a indiqué mardi qu'il enquêtait auprès de nombreux internautes qui ont signalé la multiplication de messages imagés à caractère pornographique ou violents sur leur compte. Oui, porno. Porno. Voilà ça. C'est tout non plus. Protéger les gens qui utilisent Facebook des pourriels et contenus malveillants est l'une de nos principales priorités. Ah oui, hein? Ah oui, c'est l'une de leurs premières priorités après faire du care. Je pensais que tu regardais du porno. Et nous travaillons toujours à améliorer nos systèmes pour isoler et éliminer des contenus qui enfreignent nos normes. Nous avons récemment vu une augmentation des signalements, nous enquêtons et nous nous occupons du problème. Graham Cluley, de la société de sécurité informatique Sophos, a précisé sur le blog de sa société que certaines images signalées comportaient des images pornographiques et des images d'une extrême violence. Il semble que des pourriels très choquants se soient répandus via Facebook depuis 24 heures ou plus, a ajouté M. Cluley, sans donner d'indication sur le mode de propagation de ces images. Ce qui est clair, c'est que des gens malveillants choquent de nombreux utilisateurs de Facebook. De nombreux internautes se plaignaient mardi sur le site de microblog Twitter de l'invasion d'images dérangeantes. On est rendu là dans le monde, hein? On va sur Twitter pour chialer contre Facebook. Je vois pas sur Twitter. Non, ben peut-être que tu fais mieux dans ce cas-là. Facebook est le plus grand réseau social sur Internet au monde avec plus de 800 millions d'utilisateurs. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, à un moment donné, hein, on parle de quoi? Bon. Parlons de Kinect maintenant dans les jeux vidéo. Conçu par les étudiants de l'Université de Pennsylvanie, le projet Kinectasia exploite le Kinect de Microsoft pour aider les non-voyants à se déplacer sans heurter d'objets. Un nouveau détournement ambitieux du périphérique de jeu. L'utilisation du Kinect au cœur des projets universitaires, ce n'est pas une nouveauté, mais ce nouveau prototype dévoilé par les étudiants de l'Université de Pennsylvanie pourrait concrètement venir en aide à des millions de personnes non-voyantes ou malvoyantes. Le Kinectasia consiste en un Kinect fixé à une ceinture dotée de petits moteurs qui émettent des vibrations lorsque l'utilisateur s'approche trop près d'un objet. Les moteurs situés à droite, à gauche et au centre de la ceinture indiquent où le porteur peut se diriger pour éviter les obstacles. En somme, le Kinect restitue une image en 3D qui est destinée à commander les moteurs. Ce premier prototype est encore encombrant puisque le dispositif de Microsoft est relié à la ceinture dans sa version commerciale, mais les initiateurs du projet travaillent actuellement sur une nouvelle version bien plus légère. Et sans fil. C'est excellent, j'imagine, sans fil. Ouais. Ouais. C'est comme beaucoup de ouin, ça. Ouin. C'était ouin. Ouin, j'imagine. Restons dans les jeux vidéo. Les cerveaux des joueurs seraient plus gros que la moyenne. Ah, ouais. Une étude menée par l'université de Gant, Gant, en Belgique, montre que le cerveau des joueurs, et plus particulièrement la zone responsable du plaisir, est plus importante que la moyenne. L'étude a été conduite sur un groupe de 154 enfants de 14 ans, répartis selon le temps passé à jouer durant la semaine. À noter qu'aucun des sujets n'était considéré comme dépendant aux jeux vidéo, c'est donc on dit important de le préciser. C'est pas des accros, là. Si l'étude est, parce que sinon, ce serait comme... les accros ont un plus gros cerveau, là, on lirait cette nouvelle-là, puis ah, crime, soudainement, je vais devenir accro pour avoir un plus gros cerveau. Moi. Tu sais comment c'est important pour les filles, ça? Un gros cerveau. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu vas être accro aux jeux vidéo à 14 ans? Ah, ben, il est jamais trop tôt, hein. Ouais, mais tu vas à l'école, Ouais, mais tu peux passer tout ton temps sauf le temps que t'es à l'école là-dessus, t'sais. Ouais. Tu peux ne pas manger, tu peux tout le temps, tu vas manger, puis après ça, t'es sur tes jeux de la soirée, puis ouais. Tes parents font rien contre ça, puis c'est peut-être pas la faute des enfants, nécessairement. Ouais. Non, c'est ça aussi. Chacun son opinion là-dessus, hein. Bon, si l'étude est parvenue à établir un lien entre la taille de la zone du plaisir et le temps de jeu, elle avoue ne pas réellement savoir dans quel sens se déroule cette relation. Est-ce que le fait de jouer permet d'agrandir le cerveau ou est-ce parce que les personnes ont une large zone cérébrale qu'elles sont plus enclines à jouer? Ah! Ah, est-ce que l'un va avec l'autre ou l'autre va avec l'un? Hein? C'est quand même intéressant comme question. Là. Ouais. Est-ce que c'est jouer qui agrandit le cerveau ou est-ce que c'est le fait que tu as la plus grosse zone dans le cerveau qui fait que tu joues? Bon. Des recherches plus poussées seront nécessaires pour répondre à cette question. L'observation sur la durée de non-joueurs soumis à des séances de jeu est du coup envisagée. Voilà. Toujours dans le domaine des jeux vidéo, les simulateurs de vol avaient le vent en poupe sur PC dans les années 90. C'était très très populaire, les jeux de simulation d'avion. Oui, mais c'était vraiment très, très gros. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais même s'il sort régulièrement de très bons titres en la matière, dit l'article sur jeuxvideo.com, c'est souvent suivi par une communauté de passionnés encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, un constructeur a eu l'idée de proposer l'expérience ultime en la matière qui permet au concept même de simulateur de vol de prendre enfin tout son sens. Le OVO 4 Home Flight Simulator se présente sous la forme d'un cockpit de 3 mètres sur 3, pesant plus d'une tonne, ouais. À installer dans peut-être le garage, à moins que vous ayez un grand, grand salon. Doté d'un écran panoramique constitué de 3 moniteurs de 24 pouces, d'un système de vibration retranscrivant accélération, tangage et turbulence, ainsi que d'un manche à balai, hein? Et ça, tout le monde a ça, et de commandes professionnelles, boutons, compteurs, jauge à aiguille. Ce module est construit autour d'un PC équipé de Flight Simulator 10. Il permettra de vous glisser facilement dans la peau d'un pilote de ligne. Il se rapproche d'ailleurs des simulateurs utilisés par les apprentis pilotes. Pour la coquette somme de... 42 000 euros. Ah, c'est pas si pire que ça. Mais c'est très hot, par exemple. Ben oui, vraiment, les photos sont géniales. Allez voir sur assemblagerequis.com. À ce prix-là, le constructeur prend tout de même la peine de préciser que les frais de port sont offerts. Donc, okay. On the house, hein. 0$ de shipping, bravo. Et une petite dernière, on fait presque à tous les jours, en tout cas, au moins à toutes les semaines, un petit round-up de nos... c'était round-up! c'est un genre de résumé, hein? Un remballe-paquet, là. remballe-paquet. Je sais pas. Oh boy! J'essaie de trouver des beaux mots. Voilà, c'est excellent. Pour les prochaines consoles qui s'en viennent. Mm-hmm. Hein? Et aujourd'hui, on parle de la Xbox. Oh. Xbox 360. Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent à propos de la prochaine console de Microsoft. D'abord, certaines sources prétendent que le nom de code de la console est maintenant Loop. Loop, ça va s'appeler la Loop? La Loop. Tu sais, on parlait de Xbox Next, ouais. À un moment donné. Là on parle de Loop. Selon le site français Xboxygen. Xboxygen, tu sais. C'est un jeu de mots avec l'oxygène. Oh. Est-ce qu'il te faut une Xbox pour respirer? Microsoft fera une première annonce en janvier lors du Consumer Electronics Show. Ça, c'est gros quand même comme nouvelle. Ça voudrait dire que selon ce site-là, je sais pas s'il est fiable, mais au CES, la grosse foire de technologie, ouais. En janvier, là, on pourrait avoir peut-être une annonce de Microsoft, peut-être. Selon une source de Xboxygen, la nouvelle console aura un processeur à 6 cœurs, ce qu'on appelle un X-Core, ainsi que 2 gigs de RAM DDR3. Ensuite, AMD va fournir la carte graphique de la machine. Xboxygen ajoute que Loop est le nom de l'équipe qui s'occupe du développement de jeux pour la console, alors qu'une équipe baptisée Infinity travaille sur le système lui-même. Donc, on verra, mais pour l'instant, le nom de code est Loop. Ça, c'est rarement utilisé, les noms de code. D'habitude, ça change tout le temps. C'est comme, tu sais, ouais. La Dolphin, la Revolution. Dolphin, c'était quoi, non? Nintendo? Je crois que Dolphin, c'était la GameCube. Non? Je crois que Revolution, c'était la Wii. OK. Je crois que Ultra 64 était la Nintendo 64. OK. Je sais pas si j'ai tout dans l'ordre, mais en tout cas, ça doit être dans ces coins-là. Ouais, pour les nouvelles, François. Fantastique. Merci, il nous reste, merci, de rien. Il nous reste le chiptune. Tu t'en sauveras pas de moi. Quand même, là. Je pensais. Ouais, c'était assez proche, mais non. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de la chronique CNX, on va se jouer une pièce qu'on a déjà jouée. OK, parce que je la trouve tellement bonne. Tout le monde capote sur cette pièce-là. C'est comme, Mathieu, c'est quoi cette pièce-là? Même que sur la page Facebook, j'avais posté le lien la semaine passée sur la page Facebook de CNX. Là. Donc, vous pouvez devenir membre sur facebook.com en cherchant CNX. Oui. Alors, on va écouter donc la pièce de Roboctopus. Tu te rappelles, Roboctopus? Je m'en rappelle pas pantoute. Ben, je te refais entendre, tu me diras, ah, c'est vrai, t'es bonne celle-là. C'est la pièce Imaginary Worlds dans la chronique CNX. Construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures.

Reine de France et la pièce Champ de Mars à Assemblage Requis. Champ de Mars, là, comme un champ de maïs. C'est ça, pas un champ comme la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Non, les hommes viennent de Vénus, les fans. Non, mais Vénus, c'est pas une statue. Qui manque un bras. Là. Ouais, c'est ça. C'est une blague là-dessus. Quoi. Avec un bonbon. Là. Ouais, ouais. Ouais. C'est le derrière en main. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Ça dit quelque chose. Ouais, ouais. Pourquoi on parle de ça déjà? Je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. François-Louis Marchand, c'est les trois V, là. Ouais. Comme Vénus, Vénus de Milo. Ouais, ça, c'est juste un V, là, mais... Ensuite, il y a d'autres mots en V. Il y a... Mettons qu'il faudrait en trouver trois, là. Il y aurait... Non. Véritable. Véritable, véridique, véritable. Bon, c'est pas mal les trois seuls que je trouve dans la vie qui existent, à part Vénus. Fait qu'il y en a quatre, en tout cas. Donc, commençons à Seattle. Oh. À Seattle, François-Olivier, tu ne peux pas graduer à l'école. Okay? À Seattle. Non, attends, laisse-moi finir ma phrase. À Seattle, tu ne peux pas graduer à l'école ou encore avoir un permis de conduire si tu ne connais pas les premiers soins. Ah, le crime, c'est intelligent. Ben, je sais bien. Ouais, j'aime ça. Ça devrait être de même partout, non? Ouais. Parce que, petite statistique, là, j'en ai juste une sur le Royaume-Uni, mais quand même, on peut s'attendre à ce que ce soit pas mal partout pareil. À chaque année, 150 000 personnes meurent au Royaume-Uni parce que seulement 7% des Britanniques savent comment donner les premiers soins. C'est pas beaucoup. Tu sais, 150 000 personnes qui meurent à cause de ça, donc ça pourrait être une bonne idée d'avoir ça un petit peu partout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une petite méduse maintenant. Oh. Une petite méduse qui peut te tuer en dedans de 20 minutes. Les méduses, c'est très toxique, là. C'est très. Ça doit être pour ça. Et certaines plus que d'autres, celle-là, c'est la pire. Oh ouais? C'est le Iru Kanji Jellyfish, qui est une petite espèce de méduse venimeuse dans les eaux de l'Australie. Cette méduse-là mesure environ 1 cm cube en moyenne. Ce qui les rend mortels, c'est qu'ils peuvent tirer leur pic directement dans leur victime. Et si tu te fais piquer, tu développes quelque chose qu'on appelle le syndrome Iru Kanji. Hein. Et ici, si tu ne le fais pas traiter, ce syndrome-là pourrait faire que t'ailles en arrêt. Est-ce qu'on dit? Arrêt cardiaque, c'est ça. Ouais. Et tu pourrais mourir en dedans de 20 minutes. Vu qu'ils sont si petits, c'était évidemment difficile au départ de déterminer ce qui causait le syndrome. Donc, en 1964, un docteur passionné par la médecine a été prêt à se sacrifier pour prouver que c'était la petite méduse qui tuait. Mais non. Donc, elle l'a capturé et s'est laissé piquer. Il est mort. Ouais. Un médecin. En 1964. Quand même, hein. En tout cas, bonne question s'il est mort, par contre, ça le dit pas. Quel drôle d'affaire, je sais pas, s'il est mort. Ah, j'imagine. Faudrait aller lire l'article au complet sur Wikipédia. Je sais pas. Très bonne question, j'aimerais ça, je vais checker. C'est bizarre. Vérifier, François, vérifier. Vérifier. Hey, faut parler. Aujourd'hui, on a une nouvelle chroniqueuse langue française. Hein. Oh, là, faut faire attention. Je me sens super. Non, on va se le faire dire. Je me sens écouté aujourd'hui. Ensuite, parlons du mot OMG. En fait, c'est pas vraiment un mot, mais en fait, c'est devenu un mot avec le temps. Tu sais, OMG comme dans OMG, OMG, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tu sais, dans les télé-réalités genre Jersey Shore, c'est putain, OMG, OMG. Bon. Donc, le mot OMG est dans le dictionnaire. Son utilisation, par contre, n'est pas si récente que ça. Ça date de 1917. Le dictionnaire anglais Oxford a tracé le premier enregistrement du mot OMG en 1917 dans une lettre d'un amiral britannique, en tout cas. Il écrivait dans sa lettre, et là, j'ai aucune idée ce que ça dit parce que c'est du vieil anglais que je comprends pas. « I hear that a new order of knighthood is on the tapis. OMG, oh my God, shower it on the admiralty. » Hein? Aucune idée ce que ça veut dire. Moi non plus. Mais c'est ça. Que voulez-vous? Ah! Savais-tu, François, que c'est correct de mettre plusieurs bonbons dans ta bouche? De manger plusieurs bonbons en même temps? Ouais, mais c'est correct. Correct pour les dentistes. C'est correct, je sais bien que c'est correct de le faire, là, François. Oh, ouais, c'est Est-ce ça. Est-ce que ben, t'es capable moi, de mettre 5 bonbons en même temps dans ta ben bouche? Ben oui, moi, je le fais. T'as du talent. Non, donc les dentistes disent que c'est correct pour les parents de laisser leurs enfants manger autant de bonbons qu'ils veulent à la fois, OK? Ils disent que c'est mieux de manger beaucoup de bonbons une fois que d'en manger un petit peu pendant une longue période de temps. OK. Je t'explique. Il y a plusieurs raisons. Tu fais un blitz. Tu fais un blitz cream pop. Après ça, c'est fini. Si tu manges 5 bonbons ou 5 n'importe quoi, bonbons chocolat, en même temps, ta bouche va saliver plus que si tu en mangeais un à chaque heure pendant 5 heures. Donc, toute la salive que tu produis va neutraliser les acides nocifs, dans le fond, les acides qui causent la corrosion des dents. Si tu manges un bonbon par heure, il va y avoir plus d'acide que de salive, ce qui fait que tes dents vont se détériorer. L'autre raison, et là, ça va être un petit peu plus tiré par les cheveux, C'est que les gens qui mangent beaucoup de bonbons ont plus de chances d'aller se brosser les dents tout de suite. Parce que si tu manges plusieurs bonbons, tu vas faire comme « Ah, oh, je me sens coupable, faut que j'aille me brosser les dents! » Myriam, je crois, c'est son genre pas mal de se brosser les dents tout le temps. T'es tout le temps 2-3-4 fois par repas, hein, c'est ça? Non, mais moi, c'est ça. Entre chaque service, je me brosse les dents. Non, mais mon dentiste m'a déjà dit que je brossais trop fort. Fait que... Ah, il y avait du ton émail? Je suis là. C'est non, les gencives. Ah ouais, les gencives. Les gencives en souffrent. Ben oui, je comprends ça. Quel matin, hein? Aïe aïe. Quel matin, aïe aïe. Non, mais elle, Myriam, est tellement freak, là. Entre chaque ouvert, elle se lave les dents. Fait qu'elle, elle a appris ses fourchettes, couteau, brosse à dents, cuillère en haut. Non, bon. Donc, voilà pour les dentistes. Félicitations à eux. Tu sais que les fermes sont souvent rouges? Les fermes? Les fermes, tu sais, oui. Les fermes sont souvent rouges. Mais dans le test, c'était ça, mais longtemps, mais encore aujourd'hui, il y en a des rouges. Ben, ça encore, non, il y en reste. Oui, c'est ça, il en reste. Donc, tu veux dire le toit, là. Le toit, le. Non, le bâtiment. Oui, on a. Franchement, Myriam, oui. Avec des gros X blancs, là. Ça, je sais pas pour les X, par contre. Je sais pas pour les X. Les X, c'était pour les portes. C'était pour tenir. C'était pour tenir les portes, en fait. Ça va être ça, Myriam. Mais c'est une fermière. Non, non. C'est vrai. Bon, mais gars, si t'es fermière. Je vais essayer de t'en apprendre au moins un petit peu sur la couleur rouge des fermes. Bon. Donc, les fermes rouges ont débuté en Europe il y a une centaine d'années. Les fermes étaient scellées avec de l'huile de... comment est-ce qu'on appelle ça? De l'huile de lin. D'accord? Okay. Pour protéger la ferme des éléments de la nature et pour empêcher le bois de pourrir. L'huile de lin avait une couleur un petit peu beige. Donc, à un certain point, les fermiers ont commencé à ajouter de la rouille à la peinture. La rouille qui tue les moisissures qui auraient détruit le bois sinon... Donc, éventuellement, dans les années 1800, on n'avait plus vraiment besoin que la peinture soit rouge, mais la tradition d'avoir des fermes rouges est restée jusqu'à, encore, on dit aujourd'hui, certaines fermes qui sont rouges. Mais fantastique, mais il y a aussi, je pense, dans le temps, une raison pourquoi c'était rouge, ouais. C'est qu'ils utilisaient, les agriculteurs, mm-hmm. Ils utilisaient du sang d'animal. Ah! Ouais, moi, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ah! Là. Donc... Eh ben, c'est un peu dégueu, là, mais... Un peu dégueu, oui. Dans le temps, en fait, là, il utilisait ce qu'il y avait sous la main. C'était comme ça. Puis il y avait beaucoup d'animaux morts sous la main. Ouais. Mais les boucheries... Ben, c'est ça. On passe du rouge et du sang. En fait, ça reste... Ça reste dans la même... Dans la même teinte, c'est rose, un peu. Le triangle rose, à l'origine, était un symbole nazi. Sais-tu ce que c'est maintenant, le triangle rose? Que quelqu'un sait, le triangle rose, ce que c'est? Le triangle rose. Au signe de Pink Floyd, là, tu sais. Ce que je veux dire. La pyramide de Pink Floyd. Mais non, c'est pas ça. C'est comme le deuxième symbole de la communauté gay. Ah, l'arc-en-ciel et ensuite le triangle rose. Moi, je savais pas, mais c'est comme ça. Donc, le deuxième plus populaire symbole de la fierté gay était le... après, le drapeau, comme on dit, en arc-en-ciel. C'est supposé montrer la fierté et, se battre pour les droits gays, etc., etc. Mais ça a des origines plutôt sanguinaires. Le triangle est utilisé à l'envers. Donc, avec deux pointes en haut et une pointe en bas, mm-hmm. On s'entend. À l'époque, c'était un badge utilisé dans les camps de concentration nazis pour identifier les prisonniers masculins, hommes, qui avaient été envoyés là à cause de leur homosexualité. Donc, c'était supposément un badge genre de honte, si on veut, à ce moment-là. Et le mouvement des droits gays l'a ensuite réclamé, inversé de bord, et on dit, c'est notre symbole maintenant. Donc, tu vois, c'est une bonne chose. Mais moi, je savais pas que c'était un deuxième symbole. Non, moi non plus. Mais maintenant, on sait, bon, quand on va le voir, on sait que ça veut dire ça. Subway. Ouais. Subway, tu connais? Subway, ben oui. Qui ne connaît pas Subway? Qui ne connaît pas Subway, en effet. Donc, Subway a été démarré par un garçon de 17 ans pour payer pour son école médicale. C'est pas ça, hein? Non. Parce que ceux qui ont déjà remarqué sur leur petite serviette de table, hein, on a appris que serviette de table et non napkin. Ouais, c'est napkin, bien important. C'est ça. Donc, Subway, on remarque en dessous de la serviette de table que c'est les propriétaires sont Dr. Associates. Pourquoi? Eh bien, la raison, c'est que la chaîne a été démarrée par un enfant de 17 ans, un garçon, un homme presque de 17 ans, nommé Fred DeLuca, qui a essayé de trouver une façon de payer son école médicale. Et il s'est donc mis avec un de ses amis, un autre docteur, qui lui a prêté 1 000 $ pour démarrer son premier stand kiosque. Kiosque? Ça a commencé comme un kiosque? Oui, un kiosque de sandwich en 1965. La paire en a appris beaucoup sur le marketing et la compagnie a commencé à grossir. Fred DeLuca éventuellement est allé au collège, a gradué, mais il était tombé en amour avec Subway, donc sa compagnie, et il a décidé de le grossir encore plus. Et dans le fond, c'est une bonne décision parce qu'on dit que Subway est maintenant la plus grande chaîne de fast-food dans le monde. Ça a dépassé McDonald's. Eh? Ouais, ouais. Ah oh, ouais? Je sais pas si c'est en nombre de Jared. Restaurants. Jared qui a perdu plein de poids en mangeant des sandwichs avec rien dedans parce que du pain puis de la mayonnaise puis des vinaigrettes, ça fait engraisser. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il mettait dedans, tu penses? Des cornichons, c'est tout. Des piments forts. Des petits cocombes. Ah, ça, je suis pas capable, moi. Des piments forts, ouais. Ah, moi, j'ai mangé ça hier, on dirait. Avec là, je le goûte encore tellement je trouvais ça bon. Quelle sorte? quand on parle de ce bois, il faut savoir la sorte de l'autre. Moi, c'est steak à fromage. Ouais. En même temps, j'ai l'impression qu'il goûte comme tout pareil. Ah, mais les combinés de viande froide, tu l'as fait de viande froide. Ils sentent. Pareil. Ouais. Mais l'odorat, c'est pas ce que tu goûtes. Et que ça pue hein, quand on rentre dans un Subway. Ouais. Moi, je trouve que sais? Ça pue épouvantable. Tu sais après? Et moi, je travaille dans une place où on fait des sandwichs, puis c'est inévitable. Quand je pars, on dirait que je sens la sandwich. Mais il y a personne qui me dit que je sens la sandwich. Ça, c'est la sandwich? Moi, c'est le sandwich. Le sandwich, oui. Le sandwich. Le sandwich ou le grain de café, Ouais. Tu as cette impression-là, mais tu sens pas ça. Là. C'est juste que tu sens ça à... Tu sens ça tout le temps. Tu sens ça quand même. Mettons, je vais au cinéma, tout le monde fera pas. Excuse. Tu sens le sandwich. T'as-tu un smarin dans ta poche? T'es juste content de me voir. Voyons. OK. Ça, c'est Mathieu Plante. Hein, c'est, tu connais le... J'adore ça. Bon. Je trouve ça très drôle. Merci. Ah, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Arrête d'en rire dessus. Bon. Parlons de mariage. Parle de mariage, Myriam. Ça t'intéresse, c'est une fille. Mariage depuis. Tu te prépares ça depuis l'âge de 2 ans, sûrement. Voyons. J'ai ma robe dans mon garde-robe. J'espère qu'elle va me faire. Ben, c'est pour ça qu'on a besoin de garde-robe. Non. Il y a rien que ça dedans, d'ailleurs. Ça. Elle est grosse, elle est grosse. Elle traîne épouvantable. Bon. Donc. C'est pas une joke. On s'est pas carré dans cette mission-là parce que c'est comme jamais vraiment drôle. Bon. Il y a tout le temps des malaises, là. Ouais. Moi, j'aime ça. Les gens s'embrassaient dans des mariages. Les gens s'embrassent aujourd'hui dans des mariages à cause de, OK, dans à l'époque, là, dans le temps. Il y a une fille qui est tombée. C'est ça. Je suis tombé dans ta bouche. Je m'excuse. Je suis tombé dans ta bouche. Pour sceller un contrat. Je sais pas. Bon. Je suis tombé dans ta bouche. J'adore ça. J'ai souvent utilisé ça. Hey, excuse-moi, ça a tombé dans ta bouche. En Rome antique, j'essaie tellement de remettre ça sur le rail. Hein, c'est bon. En Rome antique, quand les gens arrivaient à un accord. Rome antique, c'est bon, hein, quand même. Rome antique. C'est assez bien. Je peux pas croire que t'as rien dit à ça. C'est, il était gros de même, ton jeu de mots. Ouais, mais ça là, c'est pas un jeu de mots. La Rome antique. Rome antique. Chien d'abonnés. Tu vois, non, ça, c'est une joke. C'est une joke. OK, donc, en Rome antique, les gens qui voulaient arriver à un accord, ils s'embrassaient pour sceller le contrat. La pratique fonctionnait aussi pour les mariages, qui était une forme de contrat à l'époque, et selon certains, est encore une forme de contrat. Donc, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. De façon... Un autre petit fait intéressant. Tu sais, les X qu'on utilise dans les messages textes, dans les courriels, dans les cartes de souhaits, c'est les petits X, XO, XO, XO, XO. Les becs, là? Les petits becs, exactement, les petits becs. Pourquoi les X? Pourquoi est-ce qu'on utilise des X pour faire des becs alors que ça pourrait être une petite paire de lèvres, tu sais, qu'une rouge à lèvres dessus? À quoi? Ça pourrait être ça, là. Plus facile de faire un X. Ben, regarde, moi, je me complique pas la vie, hein. Toi, t'es non, une mais... fille simple. Hein? Non, mais c'est parce que quand t'embrasses, j'imagine que la tête fait ça. Les deux têtes sont croisées. Ouais. De très, très bons... C'est pas de... pire, ça, comme flèche, ouais, je trouve. C'est quand même possible, mais c'est pas ça du tout. Hein? Ça a rapport avec l'époque médiévale, où il y avait beaucoup de gens illettrés. Donc, quand ils devaient signer un contrat, ils écrivaient un X sur le papier et ensuite, ils embrassaient la feuille pour sceller le contrat. Ça a l'air que les O, c'est des câlins. Les O, c'est des câlins. Ben parce que t'entoures de tes mains le corps de l'autre, dépendant de son poids. Là. Peut-être. J'imagine. Ça, c'est juste moi qui devine. Là. Tantôt, tu parlais de mariage, ça me fait penser. J'ai déjà vu sur Internet une vidéo où t'as comme le chanteur de noces qui chante. Là. Peut-être t'as des personnes en avant de lui qui dansent. Ah, je l'ai vu. Puis il y a une vieille madame Marcus sur le micro, puis le gars, il a mal son. Ah, j'ai vu, c'est. Ouais, c'est ça qui me l'a montré. C'est hallucinant, ouais. Ça, c'est tellement drôle. C'est la vidéo drôle. Le plus drôle au monde. Ah, c'est tellement drôle. Mets-le sur Facebook, François, s'il te plaît. Ok, je peux essayer. Tu serais bien fait. Ah, c'est micro-bouche-mariage, c'est sûr que tu le Je t'ai tombé dans la bouche. Non, je manquais. Hey, mais le gars, le gars, il se lève. Ah, c'est hallucinant. Il est tu l'entends, là, il l'a profond. Ah, ouais. Ça réverbère là-dedans. Bon. Parlant de voix, tiens, un dernier fait, d'accord, sur Chris Farley. Je crois que j'ai déjà fait un petit peu ce fait-là, mais sans l'expliquer. Donc, on se rappelle que Chris Farley était la voix originale de Shrek et non pas Mike Myers départ. Mais tu sais, Chris Farley, l'humoriste, est mort. Chris Farley, tu sais, il jouait dans plein de films avec. En fait, bref. Allez voir sur assemblagerequis.com pour la photo. Mais donc, Chris Farley, qui avait enregistré entre 80 et 90% du dialogue pour le film Shrek, alors que là, on a appris évidemment sa mort à ce moment-là, la compagnie de production a décidé de changer de direction complètement. Et à cause de la façon, en fait, dû à la façon que les films animés sont faits, on enregistre toujours la voix avant de faire le dessin animé en tant que tel, tu sais, pour pouvoir arrimer oh, oui, la voix avec les les lèvres du personnage animé. Donc, bref, Chris Farley avait seulement enregistré la voix. Donc, quand il a été remplacé, ils n'ont pas eu à faire grand-chose côté animation. Donc, quand Mike Myers est arrivé à bord, ils ont demandé, en fait, lui, il a demandé, Mike Myers, à ce que le script soit complètement réécrit pour lui, parce qu'il ne voulait pas être le remplaçant de Chris Farley. Il voulait pas genre être comparé à lui ou tu sais que le monde dise ah tu sais c'est le gars qui aurait tu sais ça aurait pu être Chris Farley mais là c'est Mike Myers t'sais. Donc il a décidé de changer le scénario, il a demandé ça. Donc la différence dans les scripts, et là moi j'ai pas vu Shrek, donc qui a vu Shrek? Moi. D'accord. Donc, moi j'en ai vu un je pense mais ça date pas le mais, premier. Ben oui ou c'est je peut-être pense le premier. Je pense qu'il m'en manque un ou deux. OK. Donc moi, différence dans les scripts, dans l'original Shrek était un gentil ogre adolescent avec un très bon cœur. Qui ne voulait pas aller dans l'entreprise familiale qui était de faire peur aux gens. L'entreprise familiale. Donc, il avait un très bon cœur. Il avait le cœur sur la manche, là, etc. Souris-moi. Dans la deuxième, dans cette version-là, c'était Fiona qui était supposée être méchante et tout à fâchée, etc. Oui, c'est quoi, souris de mes mouvements de main? J'essaie de traduire au fur et à mesure mes mots. Qu'est-ce qu'il y a? On regarde l'homme qui avale le micro. Hey, c'est fun de savoir que ma collègue vous intéresse. Non, mais en fait, Fiona était supposée de ne pas être fine, finalement. C'était Fiona qui n'était pas fine, mais chose, Shrek était gentil. Ah, ben ouais, alors que dans la version avec Mike Myers, Shrek est maintenant, bon, l'ogre qui veut juste qu'on le laisse tranquille. Bon. Puis l'âne là-dedans? L'âne devait être pareil. C'était sûrement Eddie Murphy depuis le début, non? Sûrement. C'était, hey. C'est Eddie Murphy, oui. Eddie Murphy. Oui, c'est lui. Eddie Murphy. Voilà pour la collègue, c'est un fait. Murphy. On pourrait dire Eddie Murphy. Ça pourrait être ça le nom de la chronique, hein? On cherchait un nouveau nom pour la chronique. Eddie c'est Murphy. Murphy. Ouais, on peut continuer à y penser. Ou comme François dit tout le temps, c'est parfait. Ou fantastique. C'est fantastique. Fantastique. Hey, le vidéo si drôle est là sur Facebook. Là. Ouais. Assemblage Requis. Assemblage Requis, bien évidemment. Ben oui. C'est très drôle. Voilà. Ouais, fait que sur ça, c'est à peu près ça pour la chronique. Puis je dirais même que c'est à peu près ça pour l'heure. François-Olivier Marchand et Myriam Fugère. Oh, Myriam. Myriam qui est arrivée en avance ce matin. Félicitations. Hey, moi, là, c'est épouvantable. Je ne suis jamais donc, en avance. Jamais. Mais dès que je pars une minute en avance de chez nous, on dirait que j'arrive 15 minutes en avance à l'endroit où je dois aller. Alors, ben, je suis contente d'être là. Avoir su, je serais arrivée à 7 heures. Donc. T'aurais pu. Tu pourrais faire ça tous les jours. Ouais. Bon. Soudainement, plus tellement sûr. On prend une petite pause, on revient avec la chronique de Myriam Fugère qui va nous présenter en long et en large la nouvelle chroniqueuse de Jasmine Raymond-Drainville. Et je pense qu'elle va nous parler de voyage, non? Je sais pas, elle arrive. Non, vous verrez ça, c'est aléatoire. Oh, c'est aléatoire. Je pensais que tu pouvais l'annoncer, tu me... Non? Tu peux pas l'annoncer. Ah, je suis pleine de surprises. Donc, on sait pas de quoi va parler la chronique de Myriam tantôt. Non. D'accord. Et après ça, on va avoir à la fin de l'émission, à 8h45, Jasmine Raymond-Drainville. Oui, comme exactement. Ça. Et peut-être entre les deux, Stéphanie Perron qui va nous parler de la journée carrière. Colin Girl Power aujourd'hui. Yes, hein? Sir. D'ailleurs, il est où le jello? Ouais! J'ai mis mon saut en latex. Ou la boue, ou n'importe quoi. Ça peut être vraiment. On n'a pas vraiment de critères sur quel liquide doit être utilisé pour lutter. Laissez-vous aller. Allez-y. Gâtez-vous. L'info qu'en plus s'en vient, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est la deuxième heure de notre émission Matinale en pièces détachées, Assemblage Requis. Ce mercredi 16 novembre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et nous construisons à deux votre journée à partir de batteries de qualité. Et ensuite, ces batteries de qualité-là, on les amène et on les prend par les épaules. Ouais. Ou on les tire par les cheveux. C'est par les cheveux. On les amène, on les met à terre, un par-dessus l'autre, dans du jello. Aujourd'hui. J'ai hâte. C'est le concept de la chose. T'as l'air à ça. J'aurais dû mettre mes verres de contact, là. Ils vont casser mes lunettes. Oh. Les filles, c'est tellement agressif. Ouais, mais c'est ça. T'es pas supposé frapper quelqu'un avec des lunettes, là. C'est pour ça qu'on porte des lunettes tous les deux. Oh, mais c'est pour ça. OK, oui, c'est correct, d'abord. Oui. J'ai bien fait. Donc, Myriam Fugère. Lâche ton téléphone, là. Mais ouais. Non, mais c'est parce que c'est pour ma chronique. Ah, OK. Un instant, c'est un accessoire. C'est un accessoire du crime. On part, moi, ça. Ah, OK, on se part-tu une petite chronique aléatoire, mettons? We'll be right back. On va commencer Olivier avec son chocolat chaud, froid, chaud. Ah, il commence à être froid, là. Commence à être froid. Myriam avec son jus d'orange et son téléphone cellulaire miam, iPhone miam. 4, c'est ça, j'imagine? Oui, oui. D'accord. Récemment updaté, là, je capote. Le 4 avec le nouveau système d'exploitation, ils n'ont pas le 4S, là? Non. T'es encore sur le 4, là? Ouais, je suis encore sur le 4. Je suis sur le 3, fait qu'imagine. Yeah. 3G, tu sais. Aïe. Bon, donc, on parle pas d'iPhone aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'ai aucune idée c'est quoi, là. Non, mais en fait, c'est parce que je vous explique, hier, pour te faire une farce, je t'ai texté pour te dire j'allais faire une biographie de Jasmine. J'étais sûr que c'était ça. Et tu m'as tellement pris au sérieux. Ouais, mais j'ai même pas répondu en plus. Je me disais, mais à quel point mes chroniques doivent être whack, doivent être bizarres, en c'est fait. C'est très, très whack, sick et tout. Pour que tu me prennes t'es au sérieux. Sick, oui. Oui. Alors, comme demandé, Jasmine m'a fait un petit descriptif d'elle-même. Ah, t'es pas capable de le faire? Je la connais depuis longtemps, là. Voyons. Ah, mais non, mais rapidement. Mais non, non, mais je la connais, là, mais c'est... Mais pas tant que ça. Ouais. Mais oui, là... Est-ce qu'il est sick ou whack? Comment? Jasmine, est-ce qu'il est sick ou whack? C'est quoi? Les deux. T'es très, très jeune, toi, avec ton langage, là. Arrête donc. Fait que le 14... En fait, elle est née le 14 décembre 89. OK, bonne fête presque. 89, attends un peu, ça fait 22. Pas pire. En fait, elle va avoir 22, là. Ah, 21? Ouais, elle a 21. En décembre, elle va avoir 22. T'as pas vrai? Je crois. Pas un peu jeune pour faire de la radio? Moi, j'ai 21. Oh, n'importe pour vrai? Oui. Ah, OK. Je pensais que t'avais 29. Ouais, ben c'est ça. C'est mes rides. C'est pas vrai. Elle a l'air aussi jeune que son âge, mais on présumait. Qu'est-ce que je suis fringante. Enfin, bref, son père, non, c'est pas vrai, là, je parlerai pas d'elle parce que. C'est intéressant, là. Non, mais elle parle d'elle tantôt. OK, Caroline. Fantastique. Okay, c'est écrit trop petit, là, je pourrais aller. OK, non, en fait. Pour vrai, tantôt, on va le faire pour vrai. Oh, oui, en fait, c'était une farce, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que Twilight 4 sort vendredi. Alors, j'ai décidé de faire un récapitulatif. Non, non, t'es pas sérieuse, là. Non. C'est pas vrai. Non! Oh, je suis tellement un sac à blague aujourd'hui. Elle nous a encore eu. En fait, je vous ai préparé une chronique sur les fêtes les plus loufoques à travers le monde. Ah, très bien. Ce qui est beaucoup plus amusant, quand même. Oui, c'est fantastique. Ok, Tana. Bon, donc en fait, tu sais, selon le Lonely Planet, livre que j'ai apporté ici, preuve à la pluie. La pluie. Elle sait lire. Il existe pour vrai, le livre aussi, ouais. Ouais, il existe pour vrai. Vous pouvez donner confirmation. Bon, en fait, ici au Québec, on a droit à plusieurs fêtes, festivals qui sont quand même plutôt intéressants, comme le festival de la galette ou le festival du cochon graissé. Bien sûr. Donc, c'est nos particuliers, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a d'autres particuliers qu'on connaît plus ou moins, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est les premiers. Le festival de la mouche, la truite mouchetée ou je sais pas quoi. Ouais, ou genre de la musique silencieuse aussi, je pense. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Je suis déjà allée. Un silence impeccable. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça existe. Ouais. Ben, j'en doute pas que ça, c'est vrai, mais c'est spécial quand même. Et un petit peu. En tout cas. Un petit peu. On va leur en parler. En fait, il y a des festivals de n'importe quoi. Et puis, dans le livre 1000 idées de voyage du Lonely Planet, ben, en fait, on nous propose la rubrique des fêtes les plus loufoques. Donc, j'ai décidé de vous en faire part aujourd'hui. Donc, voilà les 10 fêtes les plus loufoques qui auront lieu partout à travers le monde. Parce que là, je me suis dit, tu sais, oui, on a un beau mois de novembre, il fait chaud, pis tout ça, mais le froid tardera pas à arriver, puis on va avoir le goût de se sauver puis de s'en aller ailleurs. C'est vrai. Donc pourquoi pas planifier son voyage en fonction de ouais, ça. Ouais, tu vas donner les dates et tout là, tu vas dans le sud. On va tout savoir où aller. Là. Ben pas nécessairement dans le sud là. Dans le nord. Comme là, mon premier c'est de la Finlande. Fait que pas tellement le sud. Ouais non c'est ça. Si t'aimes pas le froid. C'est juste que c'est différent. Donc à Oulu en Finlande, il y a le festival, un populaire festival de air guitar en fait de Oulu qui existe depuis 1996. Puis ça interpelle en fait. Quand même 96. Le Jimi Hendrix qui est au profond de nous. En fait, les seules règles qui tiennent sont les suivantes. Pas de guitare. En fait, c'est une règle, c'est jouer d'une guitare invisible. Donc, qu'elle soit électrique ou acoustique, n'a pas vraiment d'importance, ah, qu'on non? nous dit. Ah. Non. Ça peut être un guitar. Un guitar. Clavier guitare, là. Ouais. Ah, mais sûrement. Pourquoi pas? T'as pas le droit de faire de bruit avec ta bouche, si vous venez au Presse Café, là, vous avez beaucoup de chance de me voir jouer de la air guitar. Cool. Des fois, je joue de la pince guitare aussi. J'ai mis une pince à sa nouche. Bon, puis. Donc, en fait, c'est pour que ça soit sur. On ne juge pas du tout, là. Change de regard. Change de regard. Donc, pour que ça soit sur un morceau qui est enregistré, il faut que vous soyez seul sur scène. Là, je parlais, fait que j'ai pas entendu la petite. Peut-être c'était une blague sur un 12 pouces dans tes mains, mais c'était. Ouais, là, c'est ça. Bon, en fait. Mathieu Plante, t'imaginais. En fait, c'est ça, il y a juste une règle. Donc, vous pouvez. Les plus populaires, en fait, bon, on a Van Halen, The Jets, AC/DC et Deep Purple qui sont régulièrement inter. Interprété. Interprété. Ou quoi? Prêté. Interprété. Et on nous conseille. Je le trouvais bon, le jeu de mots. Il était dans le livre. Tu copies les jeux de mots des autres. Mais je le trouvais bon. Je voulais t'en faire part. En tout cas. Ben, gars, le fait que je le dis, ça me. Copyright. Donne notre copyright. Le copyright, ça fait peur. Le copyright. Puis on nous conseille d'ailleurs de nouer un bandana à notre poignet, puis de mettre un pantalon de cuir. Et peut-être de s'échevler aussi. OK. Donc, ça, on le conseille dans le livre. Là. Oh, j'invente rien de ça. Non. En fait, c'est avant d'interpréter ce morceau-là, tout en étant en silence, en fait. À Osaka, au Mexique, le 23 décembre, on célèbre la nuit des radis de façon très créative. En fait, les habitants sont invités à créer dans le radis, dans ce légume, des scènes bibliques importantes comme la crèche, l'arrivée des trois rois mages ou des scènes clés des guerres au Mexique. On peut également agrémenter de choux-fleurs, d'oignons ou d'autres légumes décoratifs. Et puis, il y a une récompense sonnante qui est offerte aux meilleurs sculpteurs. Donc, paraît-il que c'est un événement qui rassemble beaucoup de Mexicains heureux et festoyants qui viennent en fait partager des boissons, des gourmandises et l'esprit de Noël. Donc, pourquoi pas? Ah, moi c'est un peu étrange, mais... J'aurais dit que c'est une bonne idée. J'aurais dit. C'est bon? Moi, j'aime ça, des jeux de mouvement. En tout cas, bon. Celui-là, au moins, t'as pas écrit dans un livre. Je l'ai sorti de ma tête. Hein? Mais romantique non plus. Fait que, regarde, s'il vous plaît. Cassé. En Corée du Sud, à Borongong. On célèbre la fête... Oh, ben, hey, la fête de la boue. La fête de la boue. C'est le fun. La lutte de filles dans la boue, c'est ça? Ben, les filles qui luttent dans la boue. En fait, on parle pas de lutte à ce moment-là. Probablement qu'il y a des petites personnes qui se battent dans la lutte, là, mais on parle pas d'une attraction principale du festival de la boue. En fait, ça peut ressembler un peu au festival du cochon, mais sans le cochon, finalement. Et puis, en fait, on retombe en enfance, qu'on nous dit, en sautant dans la boue et en s'y roulant. Donc, depuis 1998, au mois de juillet, il y a des millions de festivaliers. Des millions? Ouais. Oh, ouais. C'est pas n'importe quoi comme festival. Des millions de festivaliers, des tonnes de boue qui sont déversées dans la station balnéaire de Boréon. Boréon. En tout cas, je pense que ça se dit de même. On peut, en fait, y suivre des cours de massage avec la boue. On peut faire des concours de glisse. Et puis, on est lui-même le roi de la boue. Oh, ouais. Hey. C'est le roi de la boue. Quel honneur. Hey, toi, t'es le roi de la bouette. C'est le bout du bout, ça. Non, ça, c'était vraiment pas drôle. Le plus... Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est de la boulette. L'événement. Oh, mais quelle boulette? Ça, c'est de la boulette. Ouais. Le plus drôle là-dedans, moi, je trouve, c'est qu'on fait des pyramides de gens boueux, en fait. Boueux. Oh, ils s'empilent dans le slam. Pyramides de gens boueux. Hey, ça doit être écœurant, là. Extraordinaire à voir. Fantastique. Parfait. Incroyable. Puis, c'est interdit d'être propre dans ce festival-là. Bonne chance si tu veux l'être. Ils disent que toute personne repérée qui est immaculée sera jetée dans une prison improvisée. Ah, oh ouais. Ouais, c'est spécial, hein? Donc, ensuite de ça, quatrième événement à Leeuwarden. Leeuwarden, aux Pays-Bas. Je suis vraiment bonne dans les langues. C'est excellent. On fête en novembre la patience avec le Domino Day. Domino Day. En fait, le but de cette fête-là, c'est de rassembler des passionnés de domino pour établir un record Guinness de tombée de domino. Il y a ça, des fans de domino intenses? Ben oui. Ben oui. Mais ouais, bon, ouais. Mais tu sais, ça s'arrête pas là. En fait, on forme d'immenses chaînes. Okay? Ça a l'air que ça peut aller jusqu'à 4,5 millions de pièces. Et puis, on fait ensuite tomber tout ça pour révéler des portraits de personnages connus. Ah! Hey, ça, c'est constructif. Mm-hmm. Pas de farce. Mais c'est beau. C'est quand même beau à voir. Ça doit être vraiment impressionnant. Puis tu sais, tu veux pas manquer ton coup non plus. Non, c'est ça. Et puis tu peux pas faire tomber ceux de l'autre. Là. Non, d'ailleurs, le livre nous conseille de ne pas éternuer au mauvais moment. Ah! Hey, tu pourrais manger un méchant domino dans le fond. Oh, hein? Ouais, tu manges une volée. Achou! Hey, tu casses. Hey! Ah, ça, c'est génial. À Roswell, aux États-Unis. Festival de l'OVNI? Ben oui, exactement. En fait, oui, Festival de l'OVNI, c'est comme ça qu'on l'appelle, justement. En fait, tous les ans, en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique, les ufologues du monde entier, en fait, se rassemblent. J'aime ça, ufologues. Oui, ben ça vient tellement d'anglais. J'aime bien comment ça s'écrit. Oui, ben c'est ça, ça vient du UFO. UFO, voilà. Du monde entier se rassemblent pour des conférences sur les petits bonhommes verts, où ils peuvent être gris aussi. Ouais, ça, ils sont pas tous verts, là. En fait, les gens ils traînent leurs animaux pour le concours du plus beau costume d'alien pour animaux. Pourquoi pas? Ah, c'est vraiment des crinqués qui se ramassent là. Hein. Ils parcourent, parcourent toutes les États-Unis. Ça doit être encore plus intense que l'espèce de conférence de jeux vidéo où tout le monde se déguise. Le 3? Là. Ah, le Comic-Con. Oui, voilà. Oui. je me souvenais plus du mot. Donc, c'est un peu louche comme événement, on peut s'entendre pour dire ça. Puis, il y a un grand défilé, en fait, pour clôturer le festival, où on nous dit de s'attendre à faire des rencontres du troisième type. Oh! Ou pas là. Oh, quand même. En tout cas, moi, tant qu'il me montre pas le beau gars dans Roswell, là, tu sais. Ah oui, ou hein? Sherry Appleby, Appleby, là, la fille. Là, non, elle, je veux pas voir. Je veux pas voir. Elle m'énerve. Moi, est-ce que les filles, de même, là? Si tu, je te demandais, mettons, est-ce que tu vas y aller à ce festival d'OVNI, tu vas dire quoi? Tu vas dire, m'ovenir. M'ovni. M'ovni. M'ovni. Popé. Quand même pas spécial. Alors, Next! Le festival Hadaka Matsuri au Japon. En fait, en février, il se passe de drôles de choses au Japon. Le Hadaka Matsuri, qui signifie en fait homme nu, est célébré sans pudeur dans tout le Japon. Le concept, en fait, c'est né d'une méthode qui est utilisée par les moines bouddhistes pour se purifier l'esprit. C'est des milliers d'hommes. Et puis là, on dit qu'ils sont robustes. Robustes. Pas des chétifs, des robustes. Des pas des chétifs. Robustes. Mon petit chétif, toi. qui se baigne dans une eau glacée et qui court ou déambule autour d'un temple. Nus. Et puis là, il y a des millions de gens qui sont rassemblés. Nus. Qui peuvent les toucher. Tu peux toucher... Attends, mais c'est quoi tu nous racontes là? T'as là, là? C'est un rêve que t'as fait ou... Psychologue, qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, on peut les toucher pour s'assurer. Oh, t'aimerais ça, hein? J'aimerais ça aller faire un tour. Les Japonais robustes. Excuse-moi, j'y crois pas. Puis, en fait, pour garantir une nouvelle année prospère. Ah, ben oui. Voilà. Mais là, c'est intéressant comme festival. Oui, c'est... C'est louche. C'est, attention, 3, 2, 1, parce qu'il faut un suspense. C'est... Non, ça marche plus. C'est omnubilant. Non, ça marche pas, je pense. Omnubilant. Omnubilant. Ben ça oui. marche. Omnubilant. Ouais. Ça marche. Parfait. Good. C'est parfait, ça. Good. Hey, en tout cas, fait que tu touches un homme nu qui court autour d'un temple, puis t'as une année prospère. C'est génial. Parfait, hein. Tu sais, il y a l'espèce de tradition. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? C'est drôle. C'est très drôle. Mais il y a une espèce de tradition ici au Québec où, en tout cas, à plein d'endroits dans le monde, je sais que tu sors par la porte de derrière, mettons, à la fin de l'année, puis tu marches nu-pied dehors, puis tu rentres par en dedans pour comme repartir une nouvelle année. Ah! Je l'ai faite l'année passée. Tu sais que mon rapport. Il pleuvait, hein, au mois de janvier. Ah, je sais pas, j'ai pas de souvenir. C'est génial. Donc, à Murcia, en Espagne. D'ailleurs, je voudrais m'excuser pour la suite de propos semi-racistes que j'ai tenus. C'est un petit peu. Ben, j'ai trouvé, spécial. J'ai rien dit parce que je voulais pas. J'ai pas aimé ça. Sur les Japonais. Je suis désolée. En tout cas, bref. Les Japonais? Ouais, Japonais, ça peut pas être. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'ils sont tout le temps un peu. Même aux Olympiques, les plus musclés sont quand même pas très larges. C'est vrai. En tout cas. Non, je pense que c'est quand même prouvable. C'est un fait qu'en moyenne, les. Ouais, sont plus... Oui, ben oui, c'est ça que je voulais dire. Hey, je fais pas un docteur Mayu de moi là, aujourd'hui. Non. Là, non. À Murcia, en Espagne, Murcia sûrement, là, en Espagne, tous Murcia. Les ans, Murcia. Depuis 1620, en fait, c'est une. Durant la fête de Dieu, qu'on appelle, plus précisément à Castillo de Murcia. Murcia. On joue. Ça, c'est génial. Ouais, je sais pas. Il y a des catchers en lisant la suite. On joue à saute-mouton avec des bambins. Hey, c'est pendant El Colacho qui est en fait l'occasion de voir des hommes déguisés en diable sauter par-dessus des rangées de bébés. Donc en fait, la tradition veut que les démons qui sont personnifiés par les hommes déguisés, en bondissant par-dessus les enfants, emportent avec eux tout le mal et purifient les poupons. Bon, je comprends la bonne intention là-dedans, mais tu veux pas mettre ton flow là, on s'entend-tu? Ben, c'est ça, c'est un peu dangereux. D'un coup que le monsieur saute pas, tu sais, le dernier bébé au bout. Ouais. Il écrase le dernier. Comme il y en a qui essaient de sauter par-dessus des chaises et puis ça fonctionne jamais. Là. Est-ce que vous avez vu ça? Uh-huh. Des tonneaux aussi, hein? Ouais. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais il y a un de mes amis, il a déjà essayé de sauter par-dessus. Tu sais, ça a l'air qu'il l'avait tout le temps, là. Puis on a ça. Il voulait sauter par-dessus une clôture avec son skate, tu sais. Ou en fait, non, il laissait rouler le skate, sauter par-dessus la clôture et tomber sur le skate. Et mais une méchante débarque. Et ça fait point point comme poupon. Point point. Point. Excellent essai. Merci. À Aigremont en Angleterre, le championnat du monde de la grimace est organisé à l'occasion de la Crab Apple Fair depuis le 13e siècle. Hey, c'est quand même long, là. Ben ça, oui. Ça fait longtemps. Une tradition bien ancrée, j'aime ça. En fait, on y retrouve des visages qui sont capables de pires contorsions faciales. Puis là, il a fallu que je lise l'article deux fois parce que je comprenais pas la suite de ça. En fait, ça vient nous, ils viennent nous montrer leur plus mauvais profil dans l'attention, dans l'intention peut-être de nous effrayer, je sais pas quoi. Mais si ils veulent pas faire ça, là, en fait, et ben, en fait, ils veulent venir dans le collier de cheval de brevet. Je vous jure, je suis compliqué, là. J'ai assez de misère à comprendre. Moi, je comprends rien. En fait, le collier, bon, OK. Cheval, non, hein? Ils font leur espèce de grimace dans le collier de cheval qu'on appelle le brafin. OK. Bon, si vos grimaces ne font pas le poids, bon, je sais pas comment, sur quoi on se base pour juger la grimace. Faut-tu épeurer un peu, mettons? Mettons que ça fait pas le poids, ben, vous pouvez toujours essayer de monter le mât savonneux dans l'espoir d'attraper le gigot d'agneau qui est suspendu au sommet. Le mât quoi? Savonneux. Savonneux. Il y a, fait que il y a un barreau, un bâton, tout savonneux, puis il faut que tu grimpes pour aller attraper un morceau de viande. Un gigot d'agneau. C'est vraiment le fun. Ça doit être tellement être tu drôle. Tu dois faire des grimaces quand tu fais ça, ça doit être pour ça. Là. Ah, peut-être. Tu sais, pas capable. En tout cas, on a trouvé peut-être un petit rapport. Là. Et puis, eh ben, au programme également, il y a la course de brouette, les spectacles de furet. Et... Les spectacles de furet. Wow. Hey, ça pue un furet. Ça doit faire furet. Ça... Non. Non. Et puis, la parade of the apple cart. Fait que c'est ça. On nous propose ça. À Ivry, en Italie, en fait, on connaît pas mal tous la tomatina, qui est comme la fête en Espagne, où tout le monde se garoche des tomates en pleine poire. Non! Deux fruits, parce que tomates, c'est un fruit. Donc, pour une fête un peu plus aigre-douce, qu'on nous dit, en fait, il faut se rendre en Italie au mois de février. Puis c'est l'occasion, en fait, du carnaval d'Ivry, où on lance une méga mêlée, une grosse bataille d'oranges, en fait, bien mûre. Bien juteux. Okay. Parce que c'est pas mûr, c'est chier. Ça fait mal. C'est vraiment chier. Et puis, ce carnaval, en fait, existe depuis le 12e siècle. Wow. Depuis plus longtemps que la grimace. Et on nous dit que les rues, en fait, vont disparaître sous un tapis de pulpe et de zeste. Ça doit être magnifique. Ça doit être le fun à ramasser, ça, hein? Mm-hmm. Tu le ramasses pas. Non, tu laisses ça là, à la longue. Tu liches. Si tu fais de mimer un léchage d'orange par terre. Cool. En fait, si vous voulez... Ah, oh, c'est ça, il y a un truc, en fait. Si vous voulez recevoir, éviter de recevoir une orange encore en pleine poire, eh bien, au lieu d'hisser le drapeau blanc... OK. Parce que si ça marche pas, tu n'as une... Dans le fond, tu t'en mérites une directe quand t'as un drapeau blanc. Bien essayé, mon grand. Et puis, ben en fait, il faut que tu portes le bonnet phrygien, en fait, qui est une sorte de grosse tuque rouge-orangée qui symbolise... dans beaucoup de pays, j'ai regardé ça sur, un peu sur Internet, dans beaucoup de pays, ça signifie la liberté. Donc là, t'es comme libre de ne pas participer à la fête. Et puis, ça devrait te laisser en paix et t'épargner tout accident. Ouais. Mais il peut y avoir, c'est ça, ça peut arriver, là, malencontreusement, qu'il y en a une qui arrive de loin, puis là, t'as, dans l'arrière de ta tête, t'as la voix pas venir. Moi, faudrait pas que ça m'arrive si j'ai mon bonnet. Hey, vous le savez maintenant. Le vous maire savez. Le saurait. Je dirais, hey! Ah, mais arrive tout de suite. Ah, ouais. J'avais mon bonnet. Ouais. Garde ma bonnet. Hey, ça, c'est vraiment nice. Ça, là... C'est swell, hein? C'est sick, c'est wack. Et ça, c'est sick, ça, c'est wack. Et voilà. En fait, c'est à Phuket. Phuket. Je pense que c'est Phuket, ça. Phuket, non. C'est quoi, ben, non? Ben, ouais, en tout cas, c'est en j'avais Thaïlande, entendu dire, ouais, j'avais entendu dire que c'était Phuket. Phuket. Donc, à Phuket, ouais. En allemand. Ah, regarde. On dirait qu'on a un accent. Alors, Phuket, donc, on s'entend, en fait, que le végétarisme, c'est pas une fantaisie. Ça n'a rien de fantaisiste. Rien de vraiment nouveau, là. Non. Mais à la fin de septembre et au début d'octobre, à Phuket, en Thaïlande, ben ça a une certaine particularité. En fait, pendant 10 jours, on célèbre une fête... Ah, oh, c'est dégueulasse. Une fête religieuse dans laquelle le goût immodéré de ses participants pour l'embrochage, non pas du poulet, ni du porc, ni même du tofu, en fait, c'est pas ça qui est à l'honneur. En fait, c'est... On embroche sa propre chair. Oh. Ouais, j'ai vu des images de ça, hein. Ouais, ça genre d'une barre à l'autre de la joue, puis dans... Ah, c'est dégueulasse, bon, ça, sérieusement, là, ça, c'est la pire affaire. En fait, c'est les maçons, maçons, qui sont des ascètes taoïstes. On parle ici, en fait, d'une forme de religion dans laquelle on se prive de quelque chose. Se livre, donc, durant cette fête-là, de petits plaisirs. Se livre, en fait, à de petits plaisirs, comme marcher sur les charbons ardents, escalader des échelles aux barreaux tranchants. Fun. Se transpercer les joues ou le cou de pics de métal. Hey, mais c'est gros, là! Ouais, puis ils font ça sans se faire geler. Non, ou c'est pas anesthésié. Ah non, non. C'est énorme. Tu peux faire ça avec n'importe quel... Tu sais, soit avec des barres de métal ou avec n'importe quel autre objet... C'est pas stérilisé, ça, là. Étrange, ben oui. Non. Puis ça peut être de plus étrange, plus imposant les uns que les autres. Puis après, en fait, ce genre de démonstration sanglante-là, le principe est tel que, parce que c'est le festival du végétarisme, donc après ce genre de démonstration-là, ben c'est pas étonnant, en fait, que t'aies plus envie de manger une brochette de fruits ou de légumes que d'une grosse brochette de bœuf bien sanglante. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais avec des trous comme ça dans tes joues après? Après, ouais. Je sais vraiment pas. Sérieux, c'est énorme. Je suis bien en peine de te répondre, mais... Ça s'infecte, là, c'est sûr. Mais oui, oui, c'est de la grosseur d'à peu près d'un 2$, comme on peut voir. Ouais. Bien plus gros qu'un 2$. Eh hey, mais c'est énorme, t'en as deux, là. T'en as un chaque bord. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas la même affaire à la même place. Il y en a que c'est différent, il y en a que ça va être des plus petites. Non, ça peut être dans le cou, ça peut être... Oh non, c'est... Non, je sais, c'est mais différent. Exemple sur la photo, celui-là, là, qu'il y a là, ouais. Hey, bonne chance pour ça manger après. Ça cicatrise combien de temps après, ça? Ça se rend, c'est cool. Hey, tu peux pas te baigner. Tu bois pas. Te baigner, tu sais. C'est drôle que tu penses à ça. C'est cool. Ouais, ouais. Hey, tu peux pas te baigner. Ah non, mais ça va rentrer. Tu t'étouffes avec l'eau, ça goûte le sel. Est-ce que tu dois boire avec la bouche squeezée avec tes mains. Tu dois boire beaucoup, beaucoup de sel, en tout cas. Ouais, ça, c'est vrai. Ah, ouais. Mais ça n'a même pas l'air de leur faire mal quand tu regardes les vidéos parce qu'ils sont tellement zen dans leur affaire de religion. Ils sont zen, ils sentent rien. Ah, Dieu, plus fort que tout. Bon. Mais encore une fois, très épouvantable. Donc, en fait, cette semaine, je vous ai donné bon, les destinations fêtes loufoques. On a des places où aller là, pour le reste de notre vie. Là. Donc, si vous voulez visiter ça, eh bien, la semaine prochaine, je vais vous parler des... Des voyages à rabais. Non, en fait... À Phuket. Je vais vous renseigner sur les règles un peu particulières à respecter dans certains pays. Ah, j'aime ça. Les D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, hein, on a comme redonné le droit, je pense que c'est au Vermont. Où, en tout cas, je me souviens plus dans quel état exactement. Pas très loin d'ici. On a redonné le droit aux hommes de battre leurs femmes. Bah, ben, quand il était temps. Vas-y, hein? Grand. Non, mais tu sais, depuis le temps qu'on attendait. Ben oui, ça valait vraiment la peine de se battre pour ça. Il y a des causes qui valent la peine. Non, mais... Mets-toi dans le pot, si tu écoutais pas. Mais non. Tu vas avoir un clou dans la bouche. Il est pas bon. Il est pas... T'as-tu sacré? Non. Oh. J'ai fait... Et citron. Et c'était si bon. C'était Geneviève qui disait ça dans Bibi et Geneviève. Et citron. Et Bibi. Citron, Bibi. Non. J'aimerais ça être capable de l'imiter. Non, je suis pas capable. Non plus. Les imitations, c'est pas notre fort. Hein. François, non. Go. Non. Je suis pas capable. Le petit Rémi serait peut-être capable, par exemple. Oh non, wow, là, on se calme le petit Jérémy. Non, mais là. Il y a à peu près la même tonalité. Là. J'imagine, il est sur l'aigu pas mal. Toi, est-ce que t'es capable d'imiter Jérémy de bord? Non, je sais pas, non. Myriam? Non. Je suis capable de faire Bart Simpson. Oh! Impressionnant. Wow. Une des seules qualités. Je suis capable de faire. Elle me l'avait déjà fait, puis je suis encore impressionné la deuxième fois. Je suis capable de faire cannelle aussi. Oh! J'aime ça faire cannelle. Hier, Jasmine, c'est drôle parce qu'on était au torréfacteur puis on essayait d'imiter physiquement cannelle. Tu sais que ça couette dessus qui essaie de prendre une feuille de main, tu sais. Avec les bâtons, c'est vrai. Ah oui. On dirait qu'elle se tempe la face sur une table à chaque fois. En tout cas, on a bien ri. Il y avait des gens qui nous regardaient avec un drôle de renoncement. La tête sur la table, j'aime ça. Merci, en tout cas, à la semaine prochaine, les gars. Bye, Canel. Bye. Wow. Génial. Ta prochaine chronique, tu pourrais la faire comme ça. Ouais. OK. Est-ce que tu restes dans les parages ou... Ben oui. OK. T'as de l'air super intelligent. Merci. Vraiment, le... Pourquoi je parle trop longtemps? J'ai de la misère. Tu finis par le perdre. Tu vas faire le zèbre la prochaine fois. Bon. Hey, hein, ça avait l'air d'un zèbre, ça. On écoute Cœur de pirate. Voici une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est adieu. Assemblage requis jusqu'à 9h. Reste là pour la chronique financière. Comment? Peut-être. On verra. Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire. Toi tu m'as menacé de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me fait. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir mes faux, je n'en pense rien. Je t'aime.

Déplacez-vous pour l'écouter. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Il reste encore 25 minutes à l'émission d'aujourd'hui. On a beaucoup de contenu dans cette dernière partie, je dirais demi-heure, mais non, allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. Voici la chronique financière. Pour la chronique financière cette semaine, on ne reçoit pas Yann Martel, mais bien Marie-Ève Perron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, très bien, merci. Marie-Ève Perron, qui est conseillère à l'information professionnelle ici même à l'UQTR. Oui. Donc, vous allez nous parler de la journée carrière en enseignement. Oui, c'est quand même relié un petit peu aux finances, parce que la journée carrière en enseignement, qui est un peu, on peut dire aussi, dans le fond, une journée carrière en éducation, dans le fond, qui regroupe tout le monde de l'éducation, qui va être ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières le mercredi le 7 décembre, à l'Atrium, de 10h à 16h. Dans le fond, qui regroupe aussi, dans le fond, le monde de la psychologie et de la psychoéducation. OK, et puis c'est ça, c'est relié financièrement parce que l'idée, c'est de se trouver une job après le bac en enseignement qu'on fait. Oui. Okay. Et d'explorer déjà pour les premières années, deuxième, troisième année, dans le fond, c'est quoi les perspectives d'emploi et de carrière dans le monde d'éducation. Et c'est ça. Et puis, si, exemple, moi, je suis en psycho, est-ce que je peux y aller? Psycho-ed? Oui, parce que les milieux scolaires ont beaucoup d'emplois dans le domaine. Et j'ai beaucoup d'employeurs qui m'appellent, qui sont en pénurie de personnel, autant en psychologie, surtout au bac, dans le fond, pour les dernières années. Les finissants. Et puis, en psychoéducation, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes, des problématiques dans les écoles. Okay. Et il y a une très, très forte demande de la part des employeurs. Donc, si vous êtes en psychologie, en psychoéducation et que vous êtes à l'écoute, allez à cette journée carrière-là, donc qui est le 7 décembre prochain. Je crois que les employeurs vont vous accrocher et vont vous parler. Ouais, donc, allez-y avec votre plus beau sourire. Oh, on s'habille bien aussi. Oui, vous savez bien votre CV. Et puis, lettre de présentation, est-ce que c'est bien? Oui, dans le fond, c'est toujours de mise. Et puis, vous pouvez aller sur le site aussi Internet, je vous le donne. Le www.uqtr.ca/JCE pour Journée carrière en enseignement 2011. Vous allez avoir, dans le fond, toutes les informations qui sont là. Et sur le site aussi Internet, dans le fond, de l'aide à l'emploi, vous avez des modèles de lettres de présentation, okay. Des CV, okay. Qui sont faits, dans le fond, en psychologie, en psychoéducation, qui vont pouvoir vous aider aussi à bien vous outiller pour cette journée carrière-là. Parfait. Exemple, j'étudie en administration. Est-ce que je peux y aller quand même pour espérer peut-être pouvoir rentrer dans les commissions scolaires? Bien, c'est certain que la journée est davantage pour les commissions scolaires. Mais c'est certain que vous pouvez quand même aller faire un petit tour. Mais il y a la journée carrière générale qui va être le 25 janvier. Je vais venir vous en reparler un petit peu plus tard dans votre émission aussi. Il va y avoir des publicités qui vont être faites aussi éventuellement pour cette journée-là. Okay. Là, il va y avoir davantage des employeurs qui vont être présents pour les gens en administration et pour dans le fond, d'autres domaines. Mais vous pouvez quand même aller faire votre tour. Je ne vous dis pas que les employeurs ne vous parleront pas, mais c'est davantage axé pour le monde d'éducation. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Ouais. Fantastique. Et puis, quand tu parles d'employeur, bon, évidemment, on pense tout de suite aux commissions scolaires. C'est des gens des ressources humaines, okay. De plusieurs regroupements scolaires. Et qu'est-ce qui est intéressant cette journée-là, c'est qu'il va y avoir 24 regroupements scolaires. 24 regroupements scolaires, mais de partout. Il y en a de Colombie-Britannique, j'en ai de Fermont, Bit James. C'est sûr que les commissions scolaires d'ici sont représentées. Chemin du Roi, de l'Énergie. Oui, c'est ça. Ça sont ici. Mais j'en ai aussi des commissions scolaires anglophones. J'en ai de la région de Montréal, dans le fond. Fait que quelqu'un qui n'est pas sûr pour ses stages, qui veut faire le tour, qui veut magasiner, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, ils ont quand même plusieurs choses intéressantes à offrir. Et dans le fond, c'est si vous n'êtes pas certain, vous voulez vraiment voir qu'est-ce que les gens ont à offrir, des programmes intéressants, allez voir. C'est pas un stage, on choisit pas ça à la légère. Il faut voir qu'est-ce que les gens vont discuter avec vous. Là, tu parles de stage, donc c'est pas juste des emplois. Non, ça peut être très bien pour les stages aussi. Oui, il y a des emplois à offrir pour les dernières années. Ça, c'est certain. C'est le but d'un salon carrière, d'un salon d'emploi. Mais déjà, en première année, allez voir. Ça va vous donner une bonne idée. Puis, pourquoi pas, ça peut aussi être un emploi d'été. Il y en a aussi pour les services de garde, ces heures du midi. Comme ça, quand vous avez dans votre CV déjà des emplois intéressants reliés à votre domaine en première, deuxième année, ça vous fait un CV qui est rempli aussi pour quand vous terminez vos... Et des contacts aussi. Tout à fait. C'est super intéressant. Fantastique. On va rappeler la date. Ça se déroule mercredi. Le 7 décembre, de 10h à 16h. C'est gratuit. Et puis, venez en grand nombre. Et puis, c'est certain que vous allez avoir des contacts et des gens très intéressants à aller voir et des bonnes discussions à aller faire également. Et ça se déroule à l'Atrium Paul-Émile Bordois ici. Exactement. De 10h à 16h. Évidemment, oui. On amène notre CV, on s'habille bien, avec le sourire. Oui, tout à fait. Et puis, ça peut porter fruit. Oui. Fantastique. Marie-Ève Perron, merci beaucoup. Ben, ça me fait très plaisir. Sympathique. Je vais répéter le site Internet. Ben oui, certainement. Allez faire un tour au www.uqtr.ca/JCE2011. Fantastique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ben, ça me fait plaisir. À la prochaine fois. Oui. Ben oui. Donc, la chronique du service aux étudiants, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Parce que j'aurais pas dit chronique financière parce que je suis sur le mode automatique, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Chronique service aux étudiants. C'est relié parce que si on a une bonne job en finissant nos études, on peut rembourser nos prêts et bourses. Puis c'est ça, ça va toujours plus vite pour rembourser. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours Assemblage Requis, on écoute The Cooks avec Is It Me, et après ça, c'est la nouvelle chronique linguistique de Jasmine Raymond Dréville. Ah, Myriam? Ben oui. Myriam qui est prête à parler quelque chose. Ben oui, on te lâche. Je souris. J'ai mal aux joues. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us. Someone to introduce the show. I need someone just like you. Someone to let me know I can lose it all. When I began to break down, searching over time, bring me a pig's heart and a glass of wine. There was nothing that you could have done. There was nothing that you should have said. We're both still chasing shadows in our heads. It's all too soon. But is it me? Is it you? Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I. On my way. C'était The Cooks avec Is It Me sur l'album Junk of the Heart à Assemblage Requis. On est en train de parler de chiptune, là. Myriam, elle aime pas ça. Yeah! J'ai jamais trouvé Myriam si gentille. La musique de jeux vidéo ou de la musique qui sonne merci. Comme des jeux vidéo. Jasmine, est-ce que t'aimerais ça? Toi, tu penses de la musique qui ressemble à des jeux vidéo? Ben, ça dépend. Si c'est Mario Bros, ça va. Ouais. Mais le reste, moi, c'est le seul Nintendo que j'ai eu dans ma vie. Tu sais, le vieux avec le fusil. Ouais. The Count et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le seul que j'ai eu. Mm-hmm. C'est tout ce que je connais. Ouais. C'est la musique qui ressemble à ça. C'est comme des ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. C'est comme, ben, des fois, ça peut être actif, des fois, ça peut être calme. Ça peut être bon, ça. Tu peux regarder l'enthousiasme dans la face à Myriam. Elle aime ça. À l'air. Bing, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, jouer à un autre moment. Puis parfait. Tu dis, excellent. La voix qu'on entend là, c'est celle de Jasmine Raymond-Drainville, qui est notre nouvelle chroniqueuse sur la langue française. Bonjour. Bon matin. Bon matin. On est très heureux de t'accueillir. Oui. Ben oui, ça va. Oui. Oui. Là, je tiens tout de suite à préciser que je vais utiliser des mots en anglais. Fait que, tu sais, fusillez-moi pas. Mais non, mais minute, là. C'est juste qu'on apprend à bien parler. OK. C'est ça. D'accord, excuse-moi, fallait pas dire OK, fallait dire d'accord, hein, c'est ça. On peut dire OK, là. Bon. Hein, OK, c'est un mot. J'essaie de faire attention. Je l'aime pas. Elle reviendra plus. Parce que je veux pas qu'elle haïsse parce que je parle mal dans l'émission. Tu sais, je sais que t'écoutes et tout. Là. Mais je parle pas si bien que ça non plus, là. C'est ça. Non, on avait remarqué. Merci. Hein? Je l'aime déjà, lui. Ça commence avec les insultes, là. Ah non, mais non. Hey, c'est amical. Je pense que je vais changer de place. C'est gentil. Ouais? Non, ça a l'air que je sens trop la sanouille. Ben, tantôt, François, il a dit qu'il fallait vous échanger de place parce qu'il y en a une qui sent meilleure que l'autre. C'est quoi ça, dire ça? Non, mais c'était. Moi, je me sens toujours un petit peu. Non, mais j'aime ton odeur de sandwich. Sans le bacon, c'est. Sans le 12 pouces. Non, mais... Donc, Jasmine. C'est pas le fromage suisse. Oh. Ouais. Commençons par savoir, t'es qui, juste rapidement, comme ça, t'étudies en quoi, t'es où en ce moment? Je suis en enseignement du français. Okay. Dans un studio de radio. Okay. C'est ça, mais je suis en deuxième année et demie, c'est pas clair, là. C'est pas clair. Non, mais je suis partie pendant 8 mois, puis je suis revenue, fait qu'on verra. T'es un peu n'importe quoi. J'suis un peu n'importe quoi. C'est ça. Ou c'est ça. N'importe Jasmine, où, je sais pas où est-ce que je suis. Jasmine ou encore DJ Jazzy Drain, comme je l'appelle, moi. C'est... DJ Jazzy Drain. Tu m'appelles comme ça? Moi, je t'appelle comme ça. OK, parfait. Dorénavant, DJ Jazzy, Jasmine, oui, Jazzy Drain. Oui, OK. C'est quelqu'un qui existe, ça, dans la vie, non, ou non. C'est vraiment rendu mon nouveau moi? Quand t'es hâte, faut un surnom, t'sais. OK. Parce, parce qu'elle vient de dire que t'es hâte, ben, c'est ça. C'est pas toi qui aurais dit ça, hein? Non. Mais ben, moi, au moins, tu sais, moi, je suis gentil avec mes chroniqueurs, hein? Myriam? Mimi Fuge? The sandwich. Mimi Fuge. The sandwich. Yeah! C'est ça. Le radis. C'est ça. C'est Jasmine. Il est pas fin avec toi parce que t'aimes pas Chiptunes. Il fait la même chose avec moi. Ah, c'est ça. Hey, j'avais pas dit qu'on avait comme pas beaucoup de temps à faire l'émission pour aujourd'hui. Hey, vite, Jasmine, commence ta chronique. Ben oui, voyons. Comme 8h46. OK, parfait. Bon, dans le c'était bon. Merci. Matin, ça aboutit pas. Non, ça déraille au bout. OK, écoutez-moi, là. OK, Jasmine, Jazzy. Parfait. Donc, pour ce matin, j'ai répertorié. En fait, je vais commencer du début. Pas mal tous les étudiants dans la vie ont eu des emplois au niveau de la restauration, que ce soit dans un café, un cinéma, peu importe. Là, parce qu'au cinéma, on mange. Dans, c'est ça, comme Myriam, comme moi, comme nous tous. Okay. Donc, souvent, on a des clients qui parlent mal. Là, même s'ils prononcent des mots en anglais, ils parlent mal puis on comprend toujours ce qu'ils disent, sauf que quand ils parlent mal, on se sert d'eux autres comme exemple dans une chronique à la radio comme je fais ce matin. Okay. Donc, je vous ai répertorié les mots les plus massacrés que les clients utilisent pour commander quelque chose dans un comptoir alimentaire. Wow. C'est en trois catégories. Café, cinéma, cantine. Arena, okay. Là, stand à patate, n'importe quoi. Donc, mettons, on pourrait faire café et les nominés sont... C'est ça. OK. Bon, je vous ai fait ça sous forme de petite histoire pour que ce nommé, soit... c'est vrai, excuse-moi. C'est ça. Donc, je vous ai fait ça sous forme de petite histoire pour que... Parce que du français, c'est plate, là. Fait que vous allez au moins m'écouter un petit peu. Bon. Bon, c'est clair. Premièrement, donc, on est dans un café, le client arrive, il commence. Bonjour, ça va d'être un grand café. on a le ça va d'être, le ça va tête. Je sais pas d'où est-ce que la consonne elle sort, il y en a pas. Il y en a okay? pas. OK, c'est ça. Bon, arrêtez de vous compliquer la vie, il y en a pas. Bon, ça va d'être un grand café. Tes oreilles saignent un peu, mais il faut qu'ils continuent à commander quand en même. En même temps, c'est pas très poli, tu sais. Tu vas me donner. Ouais, tu vas me donner, moi, là. Va te prendre quelque chose. Mais le mot 30, c'est pas si pire. Ouais, ben, tu vas me donner, je te donnerai pas certain, là. C'est comme des ordres, ces affaires-là. C'est ça. Bon, ça pourrait être extrêmement poli, il faudrait dire quoi? Est-ce que je pourrais avoir? Je vais prendre, ça va être. Je choisirais. Non, ça va être, on dirait que c'est pas très poli. Mais c'est moins pire que le ça va d'être. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Bon. C'est juste passé bien. Franchement, pas. C'est ça. Fait que là, souvent, ils sont comme plus qu'un, tu sais. Fait que là, mettons, son ami dit ah, ça va être ça, et tout. Et tout? Et tout. Ben, et tout est bon à toutes les sauces, là. Ouais, ouais. Moi, je l'aime pas. C'est bon, ça. Et tout, là. Quand vous me commandez un café, pas de et tout, s'il vous plaît. Non, mais et tout, tu dis ça, mais tu sais, quand. Jamais. À ton adolescence. Ben, moi, je le disais. Ouais. Et tout. Ça va être style comme genre et tout. Ah, fait que c'était sick wack et tout, là. Comme, c'est ça, comme toi tantôt, là. C'était sick et tout wack. Voilà. C'est sick dans le ghetto. Direct ça. Là, après ça, il dit bon, il fait encore des fautes, ça va d'être un grand café dans un verre en carton. Ah, ben oui, en carton. Il n'y a pas d'air, hein? C'est ça. J'en vois une dans ma tête en ce moment. On peut tous imaginer les personnes qui disent ces choses. C'est ça. Bon. En tout cas, je vais vous énumérer les mots, là. On a aussi le napkin qui revient souvent. Déjà que napkin est en anglais. Le napkin Skywalker. Ouais, bon, ouais. Parfait. Ou bien une beigne. À Trois-Rivières, on dit tout le temps ça. Là, Sébastien Dulude en a parlé d'ailleurs dans sa chronique dans le Zone Campus. Là, tu sais que t'es à Trois-Rivières quand tu dis une beigne. C'est quoi ça, une beigne? Une beigne, là, en fait, en France, c'est un coup de poing au visage. Ah oui? Je te donne une beigne. Ah ouais, tu veux une beigne? Ouais. Ou, prends une sacrée beigne. Boum! Ou tu peux faire des beignes avec ton auto aussi. Des beignes? Ouais, ouais. Oui, oui. Ah. Avec ton auto? Je suis pas très... Hey, ça, c'est populaire à l'aéroport. Hein, je les entends chez nous. Mais ça, ça commence juste à 1h du matin. Oh, ouais. Pas avant. Non. Bon. OK, donc voilà. Une beigne. Non, donc une beigne, c'est ça. Oui. Donc un beigne. Là, moi d'ailleurs, j'ai vendu beaucoup de beignes dans ma vie. Là. Donc, ceux qui disent une rosette au miel, une roussette, s'il vous plaît. Là, je suis comme dans. C'est ça, là, je suis dans le, ouais. Le vocabulaire timortonien. On peut dire ça. Timortonien, on pourrait dire d'un restaurant de beigne quelconque. Une roussette, ouais. C'est ça. Ou un tracteur au pire, pas une rosette. C'est ça, la l'érable qui est la meilleure de tout. C'est ça. Là, le pire, on dirait qu'après 60 ans, il y a un L qui disparaît dans le mot vanille. Je vais te prendre un grand café à vanille. À vanille? J'ai jamais entendu ça. Une petite molle à vanille dans un casso. C'est terrible. Hein? Moi, j'ai déjà entendu ça. Un casso? Oui. Je vais te prendre une boule à vanille dans un casso. Ça, c'est un cornet. Faut que tu le devines, par exemple. La vanille, c'est ça. Bon, après ça aussi, on a le fameux expresso. Oui, au lieu de espresso. Dread ça. Ben c'est ouais. Ça. C'est un S. Bon, après ça, ici, dehors. Dehors. Dior. Dior. À l'intérieur, à l'extérieur, les deux frères. Misère. Ouais, misère. Donc, c'est ça. Après ça, vocabulaire de cinéma. Hein? Okay. Pofcorn, porcogne, porcrum. Porcogne. Wow. C'est surtout les enfants. Le pofcorn, c'est plutôt les. Les adultes là, qui savent pas comment parler. Le porcogne, c'est plus les enfants. On t'excuse parce qu'ils sont petits. Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est correct. Mais c'est ça, eux autres, tu ris un peu. Mais après le centième, c'est mieux. Tu sais, quand c'est Twilight qui sort puis ça fait 100 fois que t'entends porcogne, là, t'es comme. Parlant de Twilight, voulez-vous que je fasse un résumé des trois premiers volets? On a pas tant de temps, mais vas-y, vas-y. Vas-y. Moi, je veux pas. Non? Bon, parfait. Après ça, on a le Fruitopia. Fruitopia, oui. Fait que je vais te prendre un grand porcogne avec un petit Fruitopia. C'est ça, on met des R partout, on aime ça les R. Comment ils font parler comme ça, c'est ça l'affaire? T'ajoutes des lettres ou t'en enlèves en fait, c'est ça le truc pour faire Dan et Jasmine. C'est ça, pour que je parle de vous là, c'est ça. Après ça, le vocabulaire cantine, un hot dog. Ouais. Hot dog, hot dog, c'est très cool. Un hot dog, oui c'est ça. Va te prendre un gros hot dog. Un hot dog. Non, tu vas me donner un gros hot dog. François, t'es banni de sa chronique. Je pense qu'on n'ira jamais à l'aréna ensemble, là, voir du hockey, quelque chose comme ça. On pourrait manger un hot dog. Ou pas. Non, mais pourtant, il prononce Poutine très bien, tu sais. Poutine n'a aucune place. Mais tu sais, il y a comme pas vraiment place à la faute dans Poutine. On parle de Poutine. Une proutrine avec des R. Poutrine. On rajoute des R. On va te prendre une poitrine. Une poitrine. C'est ça. On oublie l'organe, on va te prendre une poitrine. Tu sais, avec le fromage, là, puis les frites. Les frites. On a aussi le hamburger. Oui. Ou hambigueur. Hambigueur. C'est le meilleur. C'est comme le pire. Oui. Hambigueur, c'est ça. De bon ou de l'autre pire. La pétate. Ou un chip au lieu d'un sac de chips. Ou me prendre un frit. Des fois, ils disent un frit. Un frit, oui, c'est vrai. Ben, il y a hier Myriam qui me disait une graisseuse. Une grosse graisseuse. C'est dégueulasse. C'est qui, ça? Tu sais pas si on parle de quelqu'un ou de. Tu sais, c'est ça, là. Hier, je me suis pris une grosse graisseuse. Ouais, c'est dégueulasse. Puis souvent, ceux qui vont dire un chip disent un chip. Un chip. Va te prendre un gros chip. C'est ça. Donc voilà. Une croustille. Fait que si vous m'avez bien écouté, vous devriez être capable de commander quelque chose correctement. Merci. Sans que je parle de vous. C'est ça, dans une chronique, là. Mais, moi, j'adore ça. Tu peux parler de nous pour d'autres choses. Tu sais, parce qu'on a d'autres qualités. Ouais. Ah. OK, je vais les découvrir peut-être. On parle mal, mais on a d'autres choses. C'est ça. Des ouais. Bon, on sourit. Comment t'appelles ça, le mot, là? C'est le mot, là. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Ambigueur. On a un bon hot dog. On a un bon ambigueur. Un bon ambigueur. Non, j'ai essayé de faire un jeu. Attends un peu, là. C'était quoi ton jeu de mots, là, que t'avais, là? Je n'avais pas. Non? Interprété. Lui. Inter. Romantique. Romantique. Romantique. Des fois, ça me dérange pas qu'on soit comme serré dans le temps et qu'on soit obligé d'arrêter ça, là. Hein? On n'est pas si serré que ça. On n'est pas si serré. Je l'ai pas encore... Changé d'or? Retourne. Mais c'est pas... T'as pas de monstre gigantesque? Retourne. T'as pas de monstre gigantesque sur ton... Faut jamais te demander. Hein? Moi, je suis plus intéressé par Jasmine. Jasmine, ça va bien? C'est bien bizarre. Ben oui. Ouais, parce qu'on peut les laisser parler, eux autres, puis nous autres, on parle, on met nos micros plus fort, on baisse les lèvres. Puis... Mais là, il y a lui qui me dérange. J'aime pas ça juste le voir. T'aimerais ça un mur dans le milieu? Ah, ouais, ça commence vraiment mal. Hein? Juste pas le voir. J'ai rien fait, je lui dis hot dog. C'est la moustache, hein, qui. La moustache a bien cœur. Mais regardez, j'ai un gilet de moustache ce matin. Hey, c'est un Mickey qui a une moustache. J'ai un Mickey Mouse moustachu. Mais oui. Puis tout le monde sait que j'ai ça, les moustaches. Mais c'est ça. Et Mickey Mouse. Non, je l'aime. Ouais. Ben quand même, là. Ouais. C'est mon t-shirt, c'est sûr, je l'aime. T'as mis mini, non? Mais ben, non. Est-ce que c'est pour le Movember ou? C'est pour. Oui, mais c'est parce que dans le fond, ce soir, on a le rallye des associations étudiantes. C'est quoi ça? Que c'est un rallye. Okay. Avec des gens d'associations étudiantes. C'est dans le Pierre Boucher, dans le fond. On va se promener d'un local à l'autre, on va faire des activités. Puis la thématique, c'est les moustaches de l'histoire. Mais là, fait que j'ai comme mis ça, mais je vais me trouver une autre moustache dans la journée, là. Mais pour, est-ce que tu te l'es procuré pour l'occasion? Je pense que oui. Oui, mais pas sûr. Non, mais elle aurait pu l'avoir avant. T'aurais pu. Non? Ah non, il est nouveau quand même, là. Ok, tu as acheté cette semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as coûté cher? Y a-t-il abordable? Y avait-tu? Ah, 18$, pas si pire quand même. Sans le fond de Winners. C'est pas la sandwich au moins. Chacun son odeur. Je dis ça comme ça. Dans ta face. Boum, dans ma moustache. T'en as même pas. J'ai bien aimé. J'adore le boum. Finalement, on manquait pas de temps, mais là. Prends une photo, Mathieu. Oui. Moustache handicapé. Colin, excuse-toi tout de suite. Je m'excuse. Mais non, mais c'est Myriam. Myriam, réexcuse-toi pour ton affaire sur les Asiatiques qui ne peuvent pas être robustes. Mais non, c'est Myriam. Ouais, je m'excuse encore. La chienne va pas aller. Ça m'est sorti tout seul. Ça t'arrive souvent que des choses sortent comme ça? Le monde se met le pied dans la bouche aujourd'hui. Oh, ouais, vraiment. Est-ce qu'on peut dire ça en français? Je sais pas si. Oui, mais c'est. Elle s'est mis la main dans la bouche, mais c'est frappé les dents. C'est une vraie expression, je pense. Ouais, quoi ça? Le pied dans la bouche? Foot in mouth, en anglais. Moi, je le dis en français. Ben, je te comprends. Le pied dans la bouche. Saigne du nez. Ouais, c'est vrai? Non. J'ai jamais saigné du nez. Parce qu'on sait qu'en Grande-Bretagne. Un méchant coup, pas de farce. Des milliers de personnes meurent à cause que les gens ne connaissent pas les premiers soins. Hein, jointure narine. La maladie jointure narine, c'est très répandu au Québec. Ah bon? Dans ce studio de radio. Hey, merci Myriam, merci Mathieu. Merci Jasmine, Raymond Rainville. On te retrouve la semaine prochaine dans cette case horaire merdique de fin d'émission où on n'a pas le temps de parler. C'est ça. Mais tant mieux pour vous parce que le français, c'est pas si intéressant que ça. Moi, j'aime ça, tu sais. Hey, arrête de te rabaisser. Mais non, mais moi, j'aime ça. Mais non. Mais c'est ça. Mais je voudrais pas recevoir des menaces de mort parce que je vous apprends à accorder des verbes. Hey, si t'en as, on te les envoie directement. OK, parfait. DJ Excellent. Jazzy Drain. C'est moi. Jasmine, Raymond Rainville, la semaine prochaine, mercredi, 8h45. T'aimes pas ça? J'aurais pu dire Jazzy. Parce qu'elle drain. Elle a mal au nez, là. Ouais. C'est comme si j'avais eu une mal au nez. Là, on a vraiment fini l'émission parce que c'est à peu près ça. On se retrouve demain matin à 7h avec la dernière émission de la semaine. On va avoir Simon Fisbé. Oui, François Landry qui va nous parler aussi de politique. Oui, tout à fait vrai. Il y aura aussi la chronique CNX demain. Et ça existe, mais ça devrait pas. Là, on va vous inventer des besoins et on va les régler ensuite. Ah, ça, donc, j'aime ça. Jasmine, t'écoutes ça, tu nous fais un compte rendu de notre bon parler, de notre parlage. Parfait, excellent, oui. Voilà. Oui. Merci à toi. Merci à Myriam, comment? Non, on dirait que j'ai pas goût qu'elle m'écoute et qu'elle me reprenne. Moi, je sais que je fais beaucoup. J'ai déjà plein d'exemples. Ça commence mal. Merci à Marie-Ève Perron, merci à qui d'autre. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais. Passez une très belle journée. Restez sur nos ondes pour SPM de gars qui s'en vient dans quelques minutes à 9h. Puis après ça, Colette ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Après ça, Danny Janvier sera de retour avec le dîner de con à 11h. On se quitte avec une pièce de Nans and Nat. C'est Huntington, un nouvel extrait du palmarès anglophone. SPM de gars suivra. Passez une belle journée. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, aussi, au revoir. Bye. Au revoir en français. Salut. À la prochaine. Au revoir. Ciao, bye. Ciao. Ciao, bye. Ça fait très... J'ai 21. Ouais, c'est comme dans toi là avec les parlements. J'ai 21, c'est ça que t'as dit? I'm 21, yeah. Wow, quelle fin louche. Yo! We all have ideologies. You got yours and I got mine. And when we get together, a battle till the end of time. Whoa. Uh-oh. There's no more understanding now. We've crossed the point of no return.